évidemment. À demain. RMC, Bourdin Direct, du lundi au vendredi, 4h30, 10h. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore. Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment, chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Allez, un coup d'œil sur la météo. La météo de ce week-end, c'est avec vous, Yasmine Avenbekaï. Bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Globalement, c'est une belle journée, sauf en Bretagne, avec des pluies et du vent de la Bretagne jusqu'au Cotentin dès ce matin. Les pluies gagneront le pays nantais et la basse Normandie en cours de journée. Ailleurs, on a beaucoup de soleil et ça reste bien présent dans l'après-midi. En revanche, au fil des heures, le temps va devenir instable avec des averses ponctuées d'orages sur les Pyrénées, les Alpes, la montagne Corse ou encore l'Auvergne. Sur le nord-ouest, les éclaircies seront de retour cet après-midi sur le Finistère. Demain dimanche, globalement la même journée, un temps nuageux sur le nord-ouest du pays. Ailleurs, ce sera du soleil et on aura toujours une petite averse sur le relief. Les températures cet après-midi, elles seront supérieures au normal de saison, de 3 à 6 degrés. Il fera 20 degrés à Brest, 21 à Cherbourg, 25 degrés à Rennes et à Biarritz, 27 à Paris, à Lille et à Bourges, 29 cet après-midi à Bordeaux et à Toulouse, 30 degrés à Lyon, 31 à Strasbourg et 32 degrés à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la Première Ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Stade Français Paris-Castres, suivi de Montpellier-Pau. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1, Lyon-Bordeaux et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 6h, toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, la menace terroriste. Et cette fois-ci, le commando était composé de femmes, menaces inédites avec des profils plus qu'inquiétants. Le coup de pouce fiscal du gouvernement à 8 mois de la présidentielle, c'était une promesse dans ce journal, le détail de ceux qui paieront moins d'impôts en 2017. Et puis il n'était pas de taille, le tennis US Open également fils qui a coulé en demi-finale face à l'ogre Djokovic. Il est 6h01 sur RMC, bonjour à tous. Elles n'ont pas réussi à mener à bien leur sinistre projet terroriste, mais leur profil fait donc planer une nouvelle menace sur la France. Ce matin, 7 personnes sont en garde à vue, 7 personnes présumées membres d'une cellule terroriste, parmi elles, 5 femmes ultra radicalisées. C'est donc l'enquête sur cette voiture retrouvée le week-end dernier à Paris avec des bonbonnes de gaz à l'intérieur. 5 femmes, la plus jeune à 15 ans, la plus dangereuse 19, et puis Cécile Olivier, il y a une certaine Sarah, bien connue des services de renseignement. Alors c'est une jeune femme qui a 23 ans et qui avait essayé de partir en Syrie au printemps 2015. Elle avait eu des projets de mariage avec Larossi Abala, le tueur d'un couple de policiers à Magnanville. Quand Abala a été abattu, elle a ensuite envisagé de se marier avec Adel Kermiche, l'un des deux terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et quand Kermiche a lui aussi été tué, eh bien elle s'est rapprochée d'un autre jeune homme avec qui elle devait se marier religieusement, un jeune homme qui a été arrêté. Cet homme, il est le frère d'un homme mis en examen dans le dossier de Magnanville. Donc on voit comment elle fait partie d'une toile qui la relie à d'autres terroristes. Il faut dire que c'est un tout petit milieu où tout le monde se connaît plus ou moins. Voilà les précisions de Cécile Olivier, spécialiste police-justice pour BFM TV. Ces femmes étaient téléguidées depuis la Syrie par des membres de Daesh. C'est le procureur de Paris, François Molins, qui le certifiait hier. L'utilisation des femmes pour commettre des attentats, c'est nouveau et ce sera un palier franchi dans l'horreur pour le chercheur spécialiste du terrorisme Alain Rodier. À l'heure actuelle, nous n'avons pas eu de déclaration officielle disant que les femmes pouvaient passer à l'acte violent. En réalité, elle rentrait beaucoup plus dans la doctrine islamique salafiste développée par Daesh que leurs homologues masculins qui, eux, bon, rejoignaient un petit peu pour l'aventure style Mad Max, etc. Mais si jamais c'est le cas, et le procureur Molin a l'air de le dire, ça sera un tournant extrêmement important. Alain Redit, interrogé par Alexandre Janoviak. La politique, ils sont 11 sur la ligne de départ. 11 candidats à la primaire de droite et du centre. 8 sont membres du Parti des Républicains. In extremis, Hervé Mariton et Nathalie Kosciusko-Morizet ont bien obtenu les parrainages suffisants. La politique fiscale, cette fois-ci, la politique fiscale du gouvernement. 1 milliard d'euros de cadeaux détaillés hier par le ministre des Finances Michel Sapin. Plusieurs millions de contribuables vont avoir de bonnes surprises sur la vie 2017. Mais lesquels, Antoine Boyer? L'impôt sur le revenu va baisser en moyenne de 20% pour 5 millions de contribuables. Concrètement, vous en ferez partie si vous êtes célibataire avec moins de 1700 euros net par mois sans enfant. Vous économiserez alors 191 euros en 2017 sur vos revenus 2016. Vous serez aussi concerné si en couple sans enfant, vous touchez moins de 3400 euros net par mois à deux. L'impôt diminuera alors de 465 euros. Enfin, en couple avec deux enfants et touchant 4100 euros net par mois, la baisse sera, elle, de 360 euros. Et puis, cadeau fiscal supplémentaire pour les emplois à domicile, le gouvernement élargit le crédit d'impôt à toutes les catégories d'employeurs, y compris les ménages qui ne payent pas d'impôts. À l'étranger, c'est l'inquiétude de la communauté internationale face à cette nouvelle provocation de la Corée du Nord. Hier, c'est un cinquième test nucléaire qui a été procédé par le régime de Pyongyang. Le plus puissant, presque l'équivalent d'Hiroshima, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne et envisage de nouvelles sanctions. Un accord entre Russie et États-Unis, discussion vraisemblablement fructueuse hier à Genève. Moscou et Washington sont tombés d'accord pour organiser une trêve des combats en Syrie. Trêve qui pourrait débuter lundi si le calme dure au moins une semaine et depuis puissance envisage même une coopération militaire sur place. Plus léger, beaucoup plus léger en France, la rentrée, c'est aussi la période des foires au vin, prix bradé et parfois de bons coups réalisés sur de grands crus. Mais cette année, c'est un vin bien particulier qui est à l'honneur, un vin au taux d'alcool très faible, 9 degrés. Dans le Languedoc, Sophie Pugibet, viticultrice, tente le coup. On s'était dit surtout que c'était pour les femmes, les jeunes, pour commencer à boire du vin. Et finalement, tout le monde aime ça. Ça va aussi bien pour les femmes que pour les vieux, et un peu plus vieux qui retrouvent le goût d'avant. L'idée, c'est vraiment qu'à midi, quand les gens vont au restaurant ou même sont chez eux, puissent mettre une bouteille de vin à table. Ils peuvent retourner travailler et apprécier la qualité du vin. Sophie Pugibet au micro de Jean-Wilfried Forquès. Il est 6h05 sur RMC. 6-3, 6-2, 3-6, 6-2. Finalement, Novak Djokovic n'a fait qu'une bouchée cette nuit de Gaël Monfils à l'US Open, demi-finale du tournoi du Grand Chelem. Le Français n'était pas de taille, même s'il a tout tenté, selon Sarah Pietruski. On a assisté pendant deux sets à une absence de Gaël Monfils qui refusait véritablement le combat avec Djokovic. Il semblait résigné parce qu'il est convaincu de ne pas avoir la bonne tactique et les armes. Et lorsqu'on voit le troisième set et le quatrième set, et l'état de fatigue, l'état de stress de Djokovic qui sent qu'il ne peut pas frapper à pleine puissance, on se dit que là, il y a quelque chose. C'est-à-dire que s'il avait pu le pousser, on aurait pu peut-être avoir une belle surprise de la part de Gaël Monfils. Voilà, et c'est la nonchalance du Français qui a finalement poussé le numéro 1 mondial dans ses retranchements. Et ça n'a pas plu à tout le monde, Eric Salio. Oui, Gaël Monfils a vécu un début de match cauchemardesque. Mené 5-0 après 20 minutes, alors il passe au plan B. Il affiche une nonchalance volontaire que certains assimilent à de l'irrespect. J'ai envie de m'en sortir à tout prix, quoi. S'il faut jouer avec le manche, jouer avec le manche, quoi. Je suis désolé, mais j'ai envie de gagner, quoi. L'embrouille dure quelques jeux. Ça m'a permis de marquer des jeux déjà et de souffler un petit peu, quoi. Battu après 2h32, Monfils a quand même récolté des sifflets. Et en conférence de presse, le malaise est palpable. Les journalistes anglo-saxons s'appuient sur des déclarations incendiaires de John McEnroe, pointant du doigt le côté non professionnel du Français. Mais Monfils a de la répartie. D'être bafoué un petit peu comme ça, c'est un peu dur, mais je suis malheureusement pour les personnes joueurs professionnels de tennis. Et malheureusement, je fais le maximum pour gagner. Pour gagner des grands tournois. Et malheureusement, ça va bientôt venir. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Français, attendus la semaine prochaine en Coupe Davis pour la demi-finale en Croatie. Le football et le PSG ne seraient-ils plus le monstre imbattable des dernières saisons? La question commence à se poser. Un partout seulement à domicile hier face à Saint-Etienne. Et surtout un niveau de jeu quasi inquiétant. La suite de cette quatrième journée aujourd'hui sur RMC, ça commence à 17h avec Lyon qui reçoit Bordeaux. Et puis c'est un choc devenu presque mythique en Angleterre. Derby mancunien, Manchester United face à Manchester City. Rencontre à suivre sur SFR Sport 1. aujourd'hui, 13h30. Choc sportif, mais pas seulement, Mohamed Bouafsi. D'un côté, Manchester United, valorisé à près de 3 milliards d'euros. De l'autre, Manchester City vaut 1 milliard 600 millions d'euros. Et pour grandir financièrement, ces deux clubs ont beaucoup investi cet été. United et City ont dépensé plus de 850 millions d'euros, avec un nouveau record pour l'un des deux clubs. Paul Pogba est devenu le transfert le plus cher de l'histoire en rejoignant Manchester United pour plus de 105 millions d'euros. Les deux effectifs sont composés des meilleurs joueurs du monde. L'effectif de United avec Pogba ou Ibrahimovic est estimé à 650 millions d'euros. Celui de City avec Aguero ou De Bruyne est estimé à 600 millions d'euros. Ce midi, plus de 900 millions de personnes vont regarder le match dans plus de 130 pays. Un record pour un match en Angleterre. Il est 6h08 sur RMC. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vous réveille pas, j'espère. Pas du tout. Pas du tout. Mais comment serait-ce possible à vos côtés, Thomas? Je suis là pour vous réveiller. Exactement. François Sorel, bien sûr. En revanche, Patrick Muller, on sait pas trop. Il va falloir peut-être que je le réveille un petit peu. Les courses, mais oui, bien sûr, tiens, c'est Quartier Quintet Plus cet après-midi à Vincennes. Sébastien Darras nous conseille le 15 Arlington Dream et l'As Archangel Am. Brian Asloum, lui, aime bien le 17 Ariane du Caponnet. Et Laurent Guédard, quand on y retient le 3 Cash Gamble et le 10 Apollon de Cassis. Le 15, l'As, le 17, le 3 et le 10. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant, ce sera sur RMC, votre week-end des experts. Et oui, le samedi, le dimanche, 6h-10h. Le jardin, la maison, dans une minute, à tout de suite. Bonne nouvelle, à partir de lundi sur RMC, tentez de gagner votre tablette tactile dans tous les shows. Bourdin Direct, Les Grandes Gueules, Radio Brunet, 100% Bachelot, le Super Moscato Show et Team Duga. Une tablette tactile par show, 6 tablettes par jour, c'est pour vous. Écoutez RMC de 6h à 20h et devinez le code pour déverrouiller la tablette. Premier jeu lundi dès 6h dans Bourdin Direct sur RMC. RMC, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Et c'est parti, les 6h10. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce nouveau générique. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. On va passer ce week-end ensemble, les amis. 6h-10h, chaque samedi et dimanche, le week-end des experts. Et ils sont là. C'est pas parce qu'on change un générique qu'on va changer nos experts. Pour rien au monde. Demain, Laetitia Barlerin, les animaux, entre 6h et 8h, elle sera là. On enchaînera avec Jean-Luc Moreau. On parlera de ce carburant qui revient à la mode, l'éthanol, demain avec Jean-Luc. Et puis, bien sûr, l'essai de la semaine et toutes vos questions auto. Tout à l'heure, la maison avec Christian PC. Peut-être avez-vous un petit pécule, peut-être rêvez-vous d'investir dans un nouvel appartement. Eh bien, on parlera justement du fait d'acheter un appartement neuf aujourd'hui, faire construire sa maison individuelle. C'est le rêve des deux tiers des Français aujourd'hui. Et puis, on vous donnera aussi quelques conseils pour contracter un crédit, car c'est le moment où jamais les taux n'ont jamais été aussi bas. Ça sera tout à l'heure entre 8 et 10 dans la maison. Mais dans l'immédiat, on va se réveiller tranquillement. 2 heures de jardin avec notre expert jardin, Patrick Mulan. Mesdames, messieurs, monsieur Miu Miu, bonjour. Monsieur François, bonjour. Bonjour à tous et très bienvenue dans nos jardins. Petit polo noir. Oui. Les bretelles rouges, tout va bien. Mais j'ai mis les manches, vous avez pas mis les manches. Ah non, moi je suis encore en mode estival. Ben on est dans un été encore correct, mais le matin peut avoir une petite fraîcheur. Petite frisquette. Ouais. Bon. 2 heures dédiées au jardin, vous le savez, chaque samedi 6h-8h sur RMC. Patrick Mulan est sans aucun doute le meilleur jardinier de France. Et il est pour vous, rien que pour vous, vous pouvez le joindre au 3216 pour poser vos questions dès maintenant. 3216 ou jardin@rmc.fr. Et si vous nous laissez un petit mail, n'oubliez pas votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle dans la foulée. Patrick, au menu de ces 2 heures dédiées au jardin, tout à l'heure la météo du jardinier. Oui. On jettera un œil sur les cartes de Météo France pour cette semaine. C'est un peu flou à partir de la moitié de la semaine. Oui. Donc on fera peut-être une demi-météo de jardinier parce que après on peut pas extrapoler ce que nous dit Météo France avec un indice de confiance très très faible à partir de jeudi. Donc on s'arrêtera peut-être à jeudi. L'actu dans le domaine du jardin, bien sûr. Vos questions jardin au 32-16. On accueille Suzanne qui va nous parler de son hibiscus dans une minute. Et puis en deuxième partie, nous évoquerons quelques ennemis du jardin. Les acariens, les aoutas, les araignées. Alors les araignées sont pas ennemies du jardin, mais elles sont un peu... Il y a une phobie autour de ça, donc elles rentrent en ce moment dans la maison, on n'a pas envie de les avoir. On verra quand même que leur rôle est important, très très important, et qu'il faut effectivement éviter de les massacrer. Mais les acariens posent des problèmes, et les aoutas, ça nous gratouille de partout. Oh là là, quelle horreur. Ah mais c'est la pleine saison. C'est les septébas, là, c'est plus des aoutas finalement, on est en septembre, normalement elles devraient aller voir ailleurs. Oui, mais on appelle aouta parce que ça commence en août. Oui, je sais, et surtout sûr. Parce que maintenant, on les appelle les vendangeons aussi. Les vendangeons, et oui. Là. Et bien oui, parce qu'en fait c'est souvent au moment des vendanges qui sont les plus agressifs. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est parti pour ce week-end des experts sur RMC. Et pour débuter bien sûr au 32-16 vos questions, et c'est Suzanne qui est là. Bonjour Suzanne. Bonjour. Suzanne, bienvenue. Bienvenue Suzanne. Bonjour. Voilà, j'ai un problème, bonjour à tout le monde, j'ai un problème avec mon hibiscus. J'ai un hibiscus depuis 4 ans, faisait de très très belles fleurs, et il y a 6 mois, comme je voyais qu'il allait pas très bien, j'ai voulu le rempoter, je l'ai rempoté avec du terreau, tout ça. Alors depuis, il fait beaucoup de boutons, beaucoup, beaucoup, les boutons deviennent un peu gros, dès qu'ils sont un peu gros, ils tombent, il ne fait aucune fleur. Est-ce que vous l'avez changé de place ? Je ne l'ai pas changé de place. Je l'ai laissé sur mon balcon. Et oui. Cet hiver, je ne l'ai pas rentré chez moi. Non, mais ça c'est pas trop grave, parce que d'abord l'hiver a pas été froid. J'imagine qu'il faut pas le rentrer, non ? Alors si il faut faire attention. D'habitude, je le rentrais. Oui, bien sûr. Cette année, je n'ai pas rentré cette année. Non, mais vous avez raison, c'est en fonction de la température ambiante. On va dire qu'un hibiscus, il y a plein d'hibiscus. On a souvent tendance à confondre deux hibiscus. On a l'hibiscus rosacinensis, donc qui est une plante subtropicale, qui fait ses grosses fleurs avec cette espèce d'énorme pistil. On en parlait d'ailleurs il y a 2 semaines dans ce rendez-vous au jardin. Ouais. Et on a l'hibiscus syriacus, que l'on appelle plus volontiers Altea, et qui lui est un arbuste de jardin, qui fleurit encore en ce moment. D'accord. Et dont les fleurs ressemblent plus à des mauves, d'ailleurs c'est une malvacée, que à l'hibiscus tropical. Je pense que Suzanne a un hibiscus plutôt rosacinensis, donc l'hibiscus tropical. C'est une plante, quand je disais il faut pas que ça change de place, c'est que c'est vrai que, et c'est bon pour beaucoup de plantes en pot. Quand vous avez une plante qui prospère bien dans un pot, qui est déjà une condition un peu artificielle de culture, quand vous la rempotez, il y a un stress forcément, mais après il faut mieux la remettre à la même place, parce que il y a toujours ces effets de mouvement d'air dont je parle très souvent, qui sont imperceptibles pour nous, mais très très sensibles sur les plantes. Mais dans le cas de l'hibiscus syriacus, rosacinensis, donc l'hibiscus tropical, quand les boutons sont formés, il ne faut absolument pas que la plante manque d'eau. C'est la même chose que avec les agrumes. Quand on a des chutes, par exemple, de tout petits citrons, etc., c'est que généralement, il y a des arrosages irréguliers. Or, en ce moment, enfin les dernières semaines que nous avons vécues, il y avait des températures extrêmement élevées. Nous avons un hibiscus aussi au jardin. Bon, il est dehors en ce moment, c'est là qu'il faut les mettre. Bah, bien sûr. Mais il est arrosé et surtout douché tous les soirs. Ça, c'est très très important, parce que la plante, elle a besoin aussi de revivre un peu, d'avoir une bonne douche, quoi, comme nous, quand on a eu bien chaud. Bien chaud, ça leur fait du bien. Et au niveau du pied, alors, il faut pas que la plante soit détrempée, ça c'est important, faut pas la mettre dans des bacs à réserve d'eau par exemple, mais il faut arroser de manière à ce que le terreau reste toujours légèrement humide. Derrière ça, on peut aussi imaginer que le terreau qui a été acheté par Suzanne soit un terreau qui soit très riche en matière organique et en azote, ce qui fait qu'il favorise bien le développement. D'ailleurs, a priori, l'hibiscus va bien, les feuilles sont belles, etc. Mais il n'y a pas de fleurs. Mais les fleurs, alors, elles se forment, mais elles reçoivent, on va dire, une nourriture qui est un peu déséquilibrée par rapport à leurs besoins, et ça donne pas l'effet. Alors, bon, j'ai passé en revue un peu tout ce qui pouvait se passer. Moi, je vous conseillerais, Suzanne, d'acheter un engrais pour fraisier, ou un engrais pour tomate, sur lequel on a, donc dans la composition, vous savez que les engrais, il y a généralement 3 lettres, N, P, K, c'est toujours comme ça, donc azote, phosphore, potassium, et il faut que le potassium soit assez fort pour ça favorise vraiment la rigidité, la tenue de la floraison, etc. Donc si vous mettez ce type d'engrais qui est toujours riche en potassium, je pense que ça devrait peut-être rééquilibrer une sorte de déficit, de carence qui pourrait y avoir dans le terreau, parce que évidemment, quand on, il faut bien savoir, on refera une émission là-dessus, parce que le mot terreau mais ça cache une infinité de choses. Donc il faut, quand on achète un terreau, être très très très sévère sur ce qu'on achète. Vaut mieux payer plus cher. Il faut aussi parfois, je dirais sur un hibiscus, peut-être que le terreau pur, c'est pas forcément idéal. Ajouter un peu de terre de jardin, par exemple, mettre du sable aussi pour que ça draine. Mais c'est pas évident en fait. Il faut. Non, il faut. On va dire que les très bons jardiniers font toujours des mélanges savants par rapport à leur culture. Chacun a un peu sa recette. C'est un peu comme un cuisinier. Exactement. Et donc, mais là, pour ça, il faut quand même avoir un certain niveau et une expérience. Oui. Non, là, c'est vraiment, faut avoir un vrai ressenti de la plante. C'est pas si facile. Et ça n'existe pas, terreau pour hibiscus. Il n'y a pas quelqu'un qui a inventé un truc comme ça. C'est pas que quelqu'un l'ait pas inventé, mais par rapport au marché, si vous voulez, ça vaut pas le coup. Ouais, ça vaut pas d'industrialiser. Le coup. Il faut savoir quand même que, on pourrait tous avoir envie, effectivement, d'avoir l'engrais pour hibiscus, le truc pour le gardénia, etc. Ça représenterait des marchés tellement faibles que, au niveau de l'industrialisation, c'est pas fait ou pas possible, ou alors vous payeriez un prix qui serait pas bien non plus. Voilà. Suzanne, merci. On revient dans un instant. C'était RMC 6h19 et on repart avec vos questions, bien évidemment le 32 16. N'hésitez pas, en direct, vous pouvez nous joindre 32 16 ou bien jardin@rmc.fr. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Votre jardin. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh, la chance ! Et le tien ? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 6h20, le retour du week-end des experts. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et comme chaque samedi matin, on salue tous ceux qui travaillent, qui sont d'ores et déjà réveillés, qui sont sur le pont et qui nous écoutent. On sait que vous êtes nombreux et on vous salue. Patrick, dans quelques instants, ce sera la météo et les infos. Mais on poursuit avec les questions au 32-16. La météo du jardinier dans quelques instants, bien évidemment. Et on accueille Vincent tout de suite. Bonjour Vincent. Oui, bonjour François, bonjour Patrick. Bonjour Vincent, bienvenue. Welcome Vincent. Oui, on est complètement bilingue dans cette émission. C'est pour ça, on voulait vous le stipuler. On est plus latin qu'anglais. Oui, vous avez pas remarqué ? D'accord. C'est vrai. Vous êtes latin, moi je suis anglais. Voilà. Alors Vincent, qu'est-ce qui vous arrive, Vincent ? Alors oui, c'est bon, vous m'entendez bien. Attendez. Alors là, on vous entend. C'est comme si vous étiez là. Voilà. Super. Alors j'ai une petite question en fait. Donc j'ai planté un olivier centenaire il y a 4-5 ans. Donc il est en forme un petit peu de cactus, j'ai envie de dire, un cactus géant. Bon, c'est bien olivier, il n'y a pas de problème. J'ai fait refaire mon gazon 2 ans après. Donc entre deux, j'ai eu mes olives. Bon, super, c'est bien, très très bien repris. J'ai refait mon gazon. Et en refaisant mon gazon, j'ai le tracteur qui m'a apporté une branche qui se trouvait sur le côté en fait, une des branches principales. Donc un accident d'olivier, on va dire. Ouais, voilà, on va dire ça. Et donc la branche s'est retrouvée, elle restait malgré tout accrochée, hein, bien sûr, mais elle a bien été esquintée, elle était suspendue du sol, de son tronc. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis du mastic cicatrisant, j'ai pris une sangle, j'ai rafistolé tant bien que mal pour essayer qu'elle puisse reprendre. Donc depuis, donc en effet, donc il s'est passé 2 ans, hein, donc elle a bien repris le feuillage est quand même assez clairsemé, donc il a repris malgré tout. Bon, il fait plus d'olives malgré tout. Ma question est la suivante. Bon, je vois bien que si je défais la sangle 2 ans après, bon ben la branche tombe. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je dois laisser malgré tout la sangle encore des années et des années, ou alors est-ce que je dois couper ma branche, mais j'ai peur qu'il attrape une maladie et que je le perde de manière définitive. Vous n'avez pas arraché la branche à l'époque, en fait. Non. Malgré le fait qu'elle pendait, quoi. Ouais, elle pendait, mais bon, elle tenait encore un petit peu, quoi. D'accord. Mais aujourd'hui, sur cette branche, vous avez de la végétation. Voilà. Clairsemé par rapport au reste. D'accord. Oui, mais parce que ça reste une partie fragile, évidemment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, au lieu de mettre une sangle tout le temps, c'est mettre un étai, pour pouvoir maintenir la branche en place. Manifestement, les tissus se sont soudés, enfin, se sont reformés, puisque vous avez pas de dessèchement complètement. Après, 2 ans, par rapport à une branche maîtresse, elle fait quoi comme dimension en diamètre? 15-20 centimètres? Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc par rapport à une branche de cette taille-là, 2 ans, c'est rien du tout. Il faut du temps pour que la soudure, tout ça se refasse, que la plante recommence à démarrer. Quand vous dites que vous avez pu récolter d'olives, c'est sur l'ensemble de l'olivier ? Oui, tout à fait. Bon. Enfin, aujourd'hui, alors, sur l'ensemble de l'olivier, alors j'ai plus d'olives. Alors ça, c'est pas du tout lié à l'accident de branche. Oui. C'est sans aucun doute lié à la pelouse. On ne plante pas des oliviers sur des pelouses. C'est pas du tout fait pour ça. Ah bon? Ben, les oliviers n'aiment pas ça? Mais non. Les oliviers, ça pousse dans des caillasses. Les pelouses, vous êtes obligés de les arroser. Et là, vous mettez trop d'eau. Et c'est pour ça que vous n'avez pas d'olives. Donc, les conditions de culture. Alors, généralement, quand on met des oliviers sur des pelouses, on les plante sur des buttes. De manière à ce que. Oui, ils soient isolés. C'est ce que vous avez fait. Parce que faites très attention à ça. C'est ce qu'on voit très souvent. Et les gens continue à avoir des oliviers avec des feuilles, etc. Mais la fructification ne se fait quasiment plus. L'olivier doit être quand même en souffrance de sécheresse, si je puis dire, dans une grande période pour pouvoir être dans des conditions écologiques normales. Donc ça, c'est important. Après, sur votre branche, alors il faut savoir une chose, c'est que si vous devez demain couper cette branche principale, c'est pas un problème en soi, parce que vous avez dû remarquer, surtout si vous avez acheté un olivier centenaire, que a priori, certaines de grosses branches principales avaient déjà été coupées, parce que la plupart des oliviers centenaires qu'on trouve dans le commerce sont des oliviers qui ont été arrachés dans des cultures, et on les a retaillés, mais alors vraiment à la serpe, je dirais. D'accord. Et vous avez des moignons souvent qui sont énormes. Donc l'olivier cicatrise très très bien, c'est pas du tout un problème. Oui, ça traumatise pas plus que ça, quoi. Toutefois. Disons que, pourquoi? Parce que la question, parce qu'en fait, de cette branche, en fait, elle a été arrachée, mais il y a une entaille jusqu'au tronc, en fait, jusqu'en haut du tronc, en fait. Ah, vous avez, ah oui, mais dis donc, si vous me dites pas tout, Vincent, à part que vous l'engueuliez. C'est ce que je vais faire. Ouais. Vincent, vous allez passer un mauvais quart d'heure là. Je vous le dis, je vous laisse là. Alors, ce qui peut se passer, ou même d'ailleurs, je pense, c'est ce qui va se passer, c'est que si vous avez donc une entaille jusqu'au tronc, la plante va souffrir quand même pendant un certain temps. Mais un olivier est tout à fait capable de vivre. Mais très longtemps même, on en voit, et c'est ce qui rend aussi parfois cet arbre aussi magnifique, c'est-à-dire que il va creuser certainement dans une partie de ce tronc va se creuser, et en fait il est capable de se détacher comme si il était en fait bicéphale, si vous voulez. D'accord. Mais petit à petit. Donc si jamais vous voyez des tissus qui s'abîment, effectivement vous pouvez les gratter un peu avec un couteau de jardinier, avec une serpette, et puis mettre un peu de mastic à cicatriser. Mais généralement, la plante, elle va bien se débrouiller toute seule comme ça, elle va faire des bourrelets, des boursouflures et tout. Ça va lui donner du charme. Mais bien évidemment, sur le plan de sa croissance, ça la fatigue un petit peu, hein. Donc, il faut accepter que l'arbre, soit dans une forme comme ça. Alors, ce que je voulais quand même, pour terminer, vous expliquer, c'est que si vous êtes obligé de couper cette branche, à partir du moment où c'est une branche principale, il faut que, en face de cette branche, vous rééquilibriez la ramure en retaillant une autre. Donc ça va dire quand même des tailles extrêmement drastiques. Moi, je serais à votre place, si je dois faire ça, faut demander à un professionnel de vous le faire. Mais un vrai professionnel qui connaît bien l'olivier, qui sera capable de faire cette taille, c'est pas du tout impossible, mais c'est quand même un petit peu fin. Et voilà, de temps en temps, il faut pas hésiter quand même à faire appel. En tout cas, l'olivier de Vincent n'est pas menacé par cet accident. Parce que vous allez voir avec quelle force cette plante a des ressources. C'est incroyable. Parce que peut-être même d'ailleurs que sur la partie abîmée du tronc, vous allez avoir des rejets, des repousses qui sont destinés à créer des nouvelles branches. Et ça, vous pouvez en avoir parfois beaucoup, et ça, il faudra les sélectionner aussi sérieusement pour pas avoir un olivier qui devienne une espèce de touffe. Ça, c'est pas comme ça que ça doit être fait. D'accord. Bah, en tout cas, merci pour vos conseils et pour votre émission aussi que je trouve super. Super. Merci beaucoup, c'est très sympa, Vincent. Bonne journée à vous. Puis faites attention la prochaine fois avec le tracteur, quoi. C'est pas moi qui le conduisais. En plus, vous l'avez un peu. Vous l'avez un peu sermonné, le conducteur du tracteur, ou pas? Sur le coup, il m'a dit qu'il avait juste abîmé une petite branche, mais. D'accord. Voilà, comme. Bon, oui, mais... j'ai juste une petite branche. Bon, l'olivier par terre, mais ça va, je ouais, pense. Ouais, rappelez ça, voilà. Bon. Merci Vincent. Merci. Merci à bientôt. À vous, bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous. Et si tout comme Vincent, vous voulez, voilà, discuter avec nous, avec Patrick Mullen et avoir des conseils jardins, c'est le moment où jamais, ça se passe au 32-16. Tiens, il nous reste quelques secondes avant la météo, les infos, pour vous rappeler que ce soir, c'est le grand feu de Saint-Cloud. Oui. Magnifique feu d'artifice. On vous offrait des places la semaine dernière. C'est un gigantesque spectacle pyrotechnique. Le plus grand feu d'artifice d'Europe. Ce sera entre 21h et 23h. C'est au domaine national de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. 23 000 personnes sont attendues. C'est un événement RMC. Donc, si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à y aller pour s'émerveiller devant un beau feu d'artifice. C'est vrai que c'est toujours génial. Météo Info, on est de retour. 32-16, jardin@rmc.fr, vous savez tout. À tout de suite. Allez, super. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore. Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. C'est l'heure de la météo sur RMC. La météo de ce week-end avec Yasmina Benbekaï que je salue. Bonjour Yasmina. Bonjour François, comment ça va? Ça va bien. Bon, on va vous quand même. Les petits oiseaux? Oui, voilà. Parce qu'on va quand même passer une belle journée. Voilà. Bon, alors, ça, sauf sur le nord-ouest. Hein. Ce matin, une dégradation arrive par la Bretagne avec un ciel couvert, un peu de pluie et du vent. Entre les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais, on a des nuages, notamment en Basse-Normandie et Loire-Atlantique. Et puis entre le Languedoc-Roussillon et l'Auvergne, quelques gouttes sont possibles, sinon ailleurs ce sera bien ensoleillé. Cet après-midi, les nuages et les quelques pluies vont s'enfoncer des Pays de la Loire aux Hauts-de-France. Ailleurs ce sera du soleil. Sur les reliefs, on aura des orages, notamment sur les Alpes et la Corse. Les températures cet après-midi, il fera 20 degrés à Brest, 21 degrés à Cherbourg, 25 à Rennes et à Biarritz, 27 degrés cet après-midi à Paris, à Lille et à Bourges, 29 à Bordeaux et Toulouse, 30 degrés à Lyon, 31 degrés pour Strasbourg, Perpignan et Bastia et 32 degrés cet après-midi à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Je vous rappelle que dans un instant, nous serons de retour avec Patrick Mullen, le seul, l'unique, notre vrai expert jardin. Et il vous attend au 32-16, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 32-16 ou bien jardin@rmc. À suivre, la météo du jardinier. Patrick va tout nous dire concernant les prévisions de Météo France pour les jours qui viennent. Est-ce que ça va impacter notre jardin? Vous le saurez. Bref, vous restez là, il est 6h30. Et à 6h30, en compagnie de Thomas Chupin, on fait un point sur l'actualité. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Ce matin, ce sont donc 7 personnes qui sont en garde à vue. Cellules terroristes qui envisageaient d'attaquer des policiers et des gares après avoir échoué à faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz à Paris. 5 présumés terroristes sont des femmes téléguidées par l'État islamique depuis la Syrie. La Syrie, justement, où une trêve des combats devrait débuter ce lundi. Trêve conclue entre la Russie et les États-Unis qui supportent pourtant des camps opposés sur le terrain. Si le calme est durable, Moscou et Washington envisagent même une collaboration militaire pour lutter contre les groupes islamistes armés sur place. Dernière provocation hier soir du régime coréen, 5e essai nucléaire procédé le plus puissant jamais organisé par la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne et envisage des sanctions. La politique en France et les 11 partants pour la primaire de la droite et du centre ont déposé leur parrainage. Il faut qu'il soit validé maintenant. 8 représentent le parti des Républicains avec invité in extremis Hervé Mariton et Nathalie Kosciusko-Morizet. Et puis ce week-end, c'est la gauche de la gauche qui se mobilise. Il y a d'abord la fête de l'Humain à la Courneuve et puis université d'été à La Rochelle cette fois-ci. Pas de PS, non, mais des frondeurs. Ça commence ce soir avec Arnaud Montebourg comme invité. Les sports et le tennis, Gaël Monfils n'a pas fait le poids. Demi-finale de l'US Open et Novak Djokovic s'est facilement défait du français hier soir en 4-7. Le football, 4e journée de Ligue 1 ce week-end et le PSG qui cale un partout à domicile hier soir face à Saint-Etienne. La suite aujourd'hui avec à 17h notamment Lyon qui reçoit Bordeaux. 6h31 sur RMC. Vos animaux, vous êtes avec Patrick Mullen et François Sorel. Vos animaux donc. Vos animaux. Ah bah oui, complètement. J'ai envie d'être dimanche en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, on est samedi donc c'est votre jardin. Vous n'avez que 24 heures d'avance. Oui, bah, cela dit, vous, vous savez quoi? Vous êtes pas loin parce que tout à l'heure on va évoquer de petits animaux avec Patrick, les aoutas, les araignées, tous ces trucs-là. Donc je pense que vous, comme vous êtes un peu visionnaire, ouais, c'est ça. On vous apprécie aussi pour ça. Merci. Vous êtes visionnaire de la rédaction. François Sorel. Je pense que c'est pour ça. À tout à l'heure 7h. Thomas. Et le 3216 jardin@rmc.fr, on est de retour avec Patrick dans un instant, à tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Attention monsieur Miu Miu, c'est l'heure de la question flash. La question flash répond le principe en moins de 2 minutes. Vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Paul qui habite à Avallon. Des tiges de mon framboisier se sont flétries subitement. À quoi est-ce dû et est-ce que c'est grave, docteur Miu Miu? Alors, quand les flétrissements arrivent dans le courant de l'été, c'est pas extrêmement grave, c'est spectaculaire, c'est embêtant parce que généralement ça attaque les tiges de 2 ans, c'est-à-dire celles qui portent des fruits. Mmh. Mais ce sont que des maladies cryptogamiques, alors je dis des parce qu'il y en a plusieurs qui donnent les mêmes symptômes et qui sont localisées. En revanche, quand on a ce type de flétrissement qui apparaît dès le printemps, là la plante est menacée de disparition complète parce qu'on a affaire à un Phytophthora qui est un champignon qui attaque les racines, le collet et donc qui détruit vraiment rapidement la plante. Là, ça capote, oui, d'accord. Alors, l'avantage, entre guillemets, si je puis dire, par rapport au Phytophthora, c'est qu'il y a des Phytophthora qui sont extrêmement contaminants sur beaucoup de cultures, alors que celui-là n'attaque que le framboisier et rien d'autre. Donc ça, c'est déjà bien, entre guillemets. Si on a des cultures autour. Voilà, si vous avez des cultures autour, notamment le fraisier, elle ne serait pas visée. En fait, c'est une mutation d'un Phytophthora qui attaque le fraisier, tiens. Mais d'un côté, il y en a un qui attaque que le fraisier et ça, son cousin, en fait, il attaque que le framboisier. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais si c'est le Phytophthora, hop, il faut tout arracher parce que de toute façon, vous avez aucune chance de vous en sortir. Sinon, pour le reste, eh bien, c'est pas difficile. Vous allez couper simplement les pousses qui sont abîmées et regarder s'il n'y a pas, par exemple, des petits rejets qui seraient un peu marrons, de faire de la même chose et traiter à la bouillie bordelaise derrière ça parce que c'est le seul produit qui peut avoir une réelle activité de blocage de la maladie et d'éviter qu'elle contamine les autres tiges qui sont encore saines. D'accord. Voilà. Mais si c'est le Phytophthora, il faut tout enlever. Il faut enlever la terre et tout ça aussi. Non, mais il faut pas replanter fraisier avant 3 ans. Avant 3 ans? Oui. Et on peut rien planter framboisier. Framboisier, pendant 3 ans, on plante rien du tout? Non, autre chose. Ou des choux, ou autre chose. 32-16 pour toutes vos questions jardin. On vous attend sur RMC. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 8h. Votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Pourquoi pas, hein, cela dit. Il est 6h35, c'est RMC. Je ne sais pas quel est le message subliminal que vous vouliez passer en mettant un bruit d'éléphant juste avant qu'on parle. Mais bon, voilà. En tout cas, ça fera plaisir sans doute à Laetitia Barlerin qui sera à mes côtés demain, dimanche, entre 6 et 8. Mais il faut parler des éléphants. Ce sont malheureusement des animaux en voie de disparition. Oui, mais dans un jardin, ils font un carnage quand même. Dans un jardin, vous rendez compte que même dans des réserves privées, moi j'adore faire vraiment l'Afrique, voir les animaux sauvages. Il y a des réserves de plusieurs milliers d'hectares qui sont malgré tout ravagées parce que tellement la puissance sens de l'animal et lui, sa consommation. Manger des éléphants, simplement appuyer la tête sur un arbre, hop, ils le font tomber pour aller manger 3 fruits qu'il y avait en haut. Ils s'en foutent, hein. Voilà, c'était RMC, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Merci de nous retrouver comme chaque samedi, 6h-8h, c'est le jardin avec Patrick Mulan. Dans un instant, la météo du jardinier. Que faire aussi dans le jardin ce week-end? L'actu du jardin. Et puis, tout à l'heure, entre 7 et 8, je vous rappelle qu'on évoquera tous ces petits ennemis actuels du jardin. Les aoutas, les araignées. Les acariens. Les acariens, aussi, etc. Mais qui sont très très virulents, tout ce monde-là en ce moment. Enfin, virulents. Les araignées, c'est pas très virulent. Enfin, pas celles de chez nous. Il me tarde quand même tout à l'heure d'entendre le Gélérique d'Alban qui va nous sortir le bruit de l'acarien mécontent. Je pense que ça, quand ça va arriver, ça va être sympathique. Mais vous savez qu'il y a... Là, je lui mets un peu la pression. Il a encore une demi-heure pour trouver quelque chose. Oui. Il y a une araignée qu'on appelle la mygale Goliath, qui est la plus grosse du monde. La mygale Goliath? Elle fait un bruit comme ça, tellement elle est grosse et elle pèse et elle a des gros ongles. Et donc, quand elle marche, vous entendez ça. Mon Dieu. Et c'est pas chez nous, c'est au Brésil. Et si elle mord, enfin, vaut mieux pas être à côté, quoi. Elle peut, mais elle vous rend que malade. Alors que les mortels, il y en a pas beaucoup dans le monde, on verra tout là. Elles sont petites. Eh oui. Alors que l'acarien, lui, on n'entend rien. Oh ben non, mais l'acaria, non, mais les plantes... Oui, les plantes, elles, ouais, elles le sentent passer, comme on dit. 6h37, ça sera tout à l'heure entre 7 et 8. Donc, mais d'ici là, Médéric est avec nous. Bonjour Médéric. Bonjour. Bonjour, bonjour Médéric, Patrick. Bienvenue. Bonjour François. Bienvenue Médéric. Merci. Alors j'avais deux petites questions pour vous, Patrick. J'aurais déjà en fait bien voulu savoir à quoi correspondait en fait le fait que les jeunes pousses. Alors moi j'ai vu ça cet été sur mon pied de vigne, mon citronnier et même encore en fait mon jasmin étoilé. Le fait en fait que ces jeunes pousses-là en fait soient d'une couleur un peu cuivrée, marronnée. Mais après, elles deviennent vertes ? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que vous avez énormément de plantes qui, au moment de ce qu'on appelle le débourrement, c'est-à-dire l'éclatement des bourgeons, développent des feuilles juvéniles qui ont une couleur très différente de ce qu'elles vont devenir après. D'accord. Et souvent, même, on utilise ce phénomène-là pour même sélectionner des variétés. Vous avez, par exemple, certains pierrices, des endromèdes du Japon, quand les jeunes feuilles éclatent, elles sont rouges vifs. Et puis après, elles vont verdir dans la saison, et parfois même sur certaines plantes, vous avez aussi encore un changement de couleur en fin de saison avec l'automne. Donc ça, c'est une question uniquement de pigments, parce qu'en fait, d'accord, on peut même expliquer ça de la façon suivante, c'est qu'à l'intérieur de son bourgeon, la feuille embryonnaire ne voit pas le soleil, elle est complètement à l'abri, et donc en fait, la chlorophylle ne s'est pas encore activée. D'accord. Et le vert vient uniquement de ce pigment qui est la chlorophylle, qui est indispensable évidemment à la vie de la plante, hein, puisqu'elle participe activement à la photosynthèse, et donc le débourrement est comme ça. Non, ce qui serait très embêtant, c'est que vous ayez des jeunes pousses qui démarrent marron et qui restent marron et qui se flétrissent. Là, vous seriez sur des maladies généralement bactériennes et qui mettent vraiment en péril la plante. Mais si vous avez une évolution normale de la plante, pas de problème, tout va bien. Non, en l'espace de 3 semaines, elles sont devenues vertes. Voilà, mais parce qu'en fait, elles vont avoir reçu leur dose de soleil et donc la chlorophylle, d'accord, va, okay, s'exprimer. Et tout va bien. D'accord, parfait. Alors donc sinon, mon autre question portait en fait sur mes iris que j'ai divisés là fin août. Oui, c'est bien. Et alors j'ai constaté par contre qu'elles, juste après en fait la replantation, oui, elles devenaient vraiment toutes jaunes. Oui. Donc oui, je me suis demandé en fait si c'était à cause du temps, on va dire, où il a fait excessivement chaud là sur la fin août. Oui. Non, mais c'est pareil. Là, il y a pas trop de risques. Alors, attention toutefois à une chose, c'est que lorsqu'on divise les iris, les rhizomes doivent être pas enterré complètement, hein. Parce que ça pourrait venir, si vous voulez, par exemple, si vous les enterrez trop, d'avoir un effet de pourrissure. Mais très souvent, d'accord, en fait, le jaunissement, il est normal, il est lié au stress que vous avez donné. Et même, d'accord, vous constaterez la chose suivante, c'est que si vous achetez des iris, par exemple, en ce moment, chez un spécialiste, comme Cailleux, comme Bourdillon, comme les iris en Provence, on va vous envoyer des morceaux de rhizome d'iris, et vous allez avoir des feuilles qui sont toutes jaunes. Et vous dites, bon sang, c'est pas beau, etc. Ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. D'accord. Donc vous replantez et vous allez avoir une feuillaison qui va redémarrer au printemps, peut-être même d'ailleurs même dans quelques temps. Ça dépend comment ça va se passer. Mais non, il y a pas de problème. Si les conditions sont bonnes, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est bien, vos questions sont intéressantes, parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent inquiéter quand on n'a pas une connaissance du végétal très approfondie. C'est ça, en fait, comme j'ai pas énormément de recul par rapport au jardinage. Non, mais ce sont des bonnes questions, justement. Mais ça a l'air d'aller. Quand on a l'habitude, on passe à côté parce qu'on sait que c'est pas grave, voilà. Mais moi, je comprends qu'on puisse s'inquiéter, mais là, donc, non, tout est bien, donc vous êtes sur des bons rails et continuez à jardiner, il n'y a pas de problème. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée, Médéric. Merci, au revoir. À bientôt. Et si tout comme Médéric, vous voulez joindre Patrick Mulan, allez-y, décrochez votre téléphone, vous faites le 3216. Là, la belle et suave voix d'Amina vous répondra. Et si votre question est sélectionnée, vous passez à l'antenne, tout simplement. C'est pas compliqué, hein, la radio. Oui. Alors, sachez une chose, n'ayez surtout pas crainte de poser une question en vous disant, ça va être une question stupide, etc. Question bête, mais non. C'est que les réponses qui peuvent être stupides. On ne se moquera pas de vous. Mais non, au contraire, parce que tout le monde a des niveaux de connaissances différents. Vous voyez, là, moi, je pense qu'on a passé un bon petit moment à expliquer des choses toutes simples, mais qui peuvent interpeller très, très régulièrement. Donc, n'hésitez surtout pas, posez vos questions. Nous sommes là pour vous y répondre. Exactement, 3216, ou alors si vous êtes un petit peu timide, que vous préférez le mail, ça marche aussi. Voilà, ça marche aussi. jardin@rmc.fr, et vous nous laissez votre numéro de téléphone, comme ça, on vous rappelle dans la foulée. Alors vous êtes de plus en plus nombreux aussi à poser des questions sur la page Facebook. Oui. J'y réponds, alors généralement quand même de façon un tout petit peu plus courte quand même que si vous passez à l'antenne, mais je vous réponds, et soyez patients, c'est pas forcément du jour au lendemain, ça peut attendre 2-3 jours, mais je vous réponds. Voilà, votre jardin RMC, ça c'est la page Facebook, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter. C'est aussi Votre Jardin sur RMC, le compte Twitter, et vous nous suivez. Il est 6h43, on revient dans un instant sur RMC et on retrouvera la météo du jardinier. Patrick a scruté les cartes de Météo France, on va tout vous dire dans un instant. Et puis le 32-16 pour nous joindre, à tout de suite les amis. RMC jusqu'à 8h, Votre Jardin. Iris Jardin, piscine, spa, arrosage. T'as dû bien profiter de ta piscine avec la chaleur. Oh oui, et j'en profite encore. Si j'avais les moyens, j'en installerais une. Oh mais c'est pas si cher une piscine. Va chez Iris Jardin, ils ont plusieurs solutions et ils m'ont bien conseillé. Portes ouvertes les 16 et 17 septembre dans tous les magasins Iris Jardin et sur irisjardin.fr. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh la chance ! Et le tien ? Bah il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Il était un criminel sans pitié. On a implanté dans son esprit les secrets d'un agent mort avant d'avoir terminé sa mission. Maintenant, il a le savoir-faire d'un agent secret et tous ses souvenirs. Ils se sont servis de moi, mais ils ont eu tort. Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Criminal, un espion dans la tête. En Blu-ray, DVD et VOD avec RMC. Tous les ans, pour la rentrée, c'est la même chose. Et il y a des montagnes de livres à couvrir. Ah bah super, c'est encore pas le bon format. Et le scotch qui s'accroche en plus. Chérie, t'as pas vu les ciseaux ? Papa ? Ah non, pas maintenant, je couvre les livres. Mais papa, tu connais pas le kit Plio de Handicap International ? Trop facile à utiliser. Pas besoin de ciseaux et ça se colle tout seul. En plus, cette année, il y a même les étiquettes Le Livre de la Jungle. Ah bah oui, ça forcément, avec le kit Plio. Et il en faut peu pour réussir sa rentrée. Pour chaque kit Plio acheté, 1 euro contribue à financer les actions de Handicap International. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. RMC, Votre Jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Voilà, 7h moins le quart, tout pile. Merci d'être avec nous sur RMC, c'est le week-end des experts et c'est le jardin. Dans un quart d'heure, météo info, mais d'ici là, avec Patrick Mulan, comme chaque samedi matin, c'est notre météo du jardinier, Patrick. Nous sommes donc le samedi 10 septembre 2016, au cas où vous ne le sauriez pas, je vous l'apprends. 254e jour de l'année, avec un soleil qui se lèvera, oulala, 7h20, pour se coucher à 20h13, on perd 4 minutes de soleil, là c'est la dégringolade. On le sent vraiment. Oh mon Dieu, bientôt Noël, ça fait un peu flipper. Hein. Et on fait un gros bisou aux Inès et aux Aubert. Voilà, on a dépassé les deux tiers de l'année, hein. C'est vrai qu'on est maintenant au 254e jour de l'année. Remuez pas le couteau dans la plaie, attendez. Alors je voulais quand même faire un petit coucou à mon ami Alain Baraton, qu'on reçoit de temps en temps ici, et qui est mon alter ego sur une autre radio, parce qu'il est né un 10 septembre, tout simplement. Je ne dirais pas l'année, il n'est pas si vieux que ça. Happy birthday alors. Et voilà, il fallait le dire. Et puis il y a un grand pépiniériste rosieriste aussi qui était né à Avignon le 10 septembre 1860, lui s'appelle Gilbert Nabonnant, et on voit encore de ses variétés dans les spécialistes des roses anciennes, Lady Johnson, la Vibrant, Comtesse Prozon, Comtesse de Chaponnet, tout ça c'est des variétés qui sont plus commercialisées, mais qui étaient intéressantes de ce monsieur-là. Ouais, il faut de temps en temps se rappeler. Alors Inès, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, c'est la Saint-Aubert aussi. À la Saint-Aubert, allume les réverbères, justement. On commence à avoir le soir assez tôt. À la Saint-Aubert, allume les réverbères, les amis. Il y en a qui cherchent les rimes, hein, quand même. À la Saint-Aubert, chasse les pyrocoraptères. C'est quoi les pyrocoraptères? Écoutez, alors ça, je sais pas. C'est un petit hélicoptère? C'est ce qu'on appelle les soldats. C'est ces espèces de petites punaises rouges et noires. D'accord. Et qu'il y a en quantité, souvent dans les jardins en ce moment. Ils sont pas très, très embêtantes, mais tiens, on a aussi un dicton qui est pour tout à l'heure. À la Saint-Augier, dans la maison, les araignées viennent se réfugier. Et oui, c'est en ce moment. Et celui-là, vous le connaissiez, à la Saint-Inès, travaille sans cesse. Ben voilà. Au jardin, travaille sans cesse. Ah, oui, je l'ai. À la Saint-Inès, jardinier, travaille sans cesse. Saint-Inès, c'est le soleil te caresse, coupe ton bois, car l'hiver se presse. Oh, ça je savais pas ça. Bon alors côté météo, alors, Patrick, que se passe-t-il? On va s'arrêter à jeudi parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas d'une clarté limpide. Alors on a. Oui, c'est-à-dire que Météo France parfois a des prévisions qui sont plus courtes que d'habitude parce que le temps est vraiment imprévisible. À cause des vents qui ne sont pas du tout établis et qui donnent des problèmes comme ça. Alors on aura dès demain, on va dire, des endroits où au matin il y a qu'un petit 12 degrés, Massif Central, Côte Bretonne, et qui resteront ailleurs dans des conditions estivales puisqu'on aura entre 15 et 23 degrés le matin, hein. Avec des petites brumes possibles, donc on sent déjà un peu l'humidité qui revient. Petite brume sur la Normandie, peut-être sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France, mais une journée agréable quand même avec 18 minimum dans le Pas-de-Calais, jusqu'à 30 dans le Roussillon et même 33 dans le Luberon. Vous voyez, on est quand même dans des configurations par rapport aux régions qui sont extrêmement différentes. Alors au niveau du jardin, continuez à en profiter parce que on ne sait pas si on aura vraiment un grand été indien, et notamment barbecue et puis arroser. Alors pour les régions dont je viens de parler qui auront moins de 15 degrés au petit jour, il vaut mieux arroser maintenant dans la matinée que le soir. Bon, celle où il aura fait 30 degrés, bien entendu on arrose le soir pour pouvoir rafraîchir les plantes. À partir de lundi, on va avoir des vents plutôt, on va dire, sud-est, donc qui sont très faibles. Mais ils garantissent donc une grande douceur et on va avoir des températures qui vont se radoucir puisqu'on va gagner au moins 2 degrés au lever du jour lundi par rapport à dimanche. Pas de précipitations annoncées, mais une belle journée estivale avec jusqu'à 33 degrés à Bordeaux cette fois. Hey, donc il faut ressortir les arrosoirs, bien sûr, et prévoir une bonne douche des plantes en fin de journée parce que la nuit de lundi à mardi sera chaude, souvent plus de 20 degrés. Donc, soyez très généreux, surtout avec les plantes en pot. À partir de mardi, donc les vents qui sont vraiment sud-est vont se renforcer l'impression de chaleur. On va rentrer dans cette configuration orageuse, là c'est lourd, etc. Et donc on va commencer. Mais c'est encore un temps estival de fin d'été. Enfin, oui, temps de bien fin entendu, d'été, on les a pas eu encore les gros orages d'été. Ouais. Et donc du coup, à partir de la façade ouest du pays, on va commencer dès la matinée à avoir des premiers orages qui vont progresser dans l'après-midi jusqu'au Limousin, sur toutes les Pyrénées, avant d'atteindre le Massif Central, le Roussillon et même la Provence dans la soirée. Et de début de nuit, avec des pluies nocturnes sur la Côte d'Azur et la Corse, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, conséquence au jardin, il y a un petit truc à faire. Quand il y a un orage, c'est si vous avez des salades, on conseille d'arroser juste après l'orage. Mmh. Pourquoi? Pour éviter la montée à graines intempestive, parce que l'arrosage va réduire la concentration d'ozone autour des salades, et ça va éviter cette montée à graines qui vous ferait perdre vos salades. Mmh. Et mercredi, donc la dépression orageuse qui s'était maintenue au sud de la Loire la veille va remonter lentement vers le nord, s'étendre vers l'est pour couvrir quasiment tout le pays. Il y aura peut-être que l'Alsace qui sera encore en aparté, parce que sur la frontière allemande et près du Luxembourg, on aura jusqu'à 30 degrés, alors que curieusement, on aura une chute drastique au sud, puisque on aura 19 degrés à Biarritz, 16 degrés à Aurillac, 18 degrés à Agen. Donc on est dans une configuration un peu perturbation. Et ce qui est, moi je vous conseille dans ces cas-là, mercredi, vous laissez passer l'orage, et jeudi je m'arrête là, parce qu'effectivement on est tombé au niveau de la confiance météo, et là donc on peut pas savoir, mais globalement ils annoncent plutôt une dégradation pluvieuse sur tout le territoire et avec des températures un peu plus de saison de l'ordre de 17 à 23 degrés en fonction des régions. Donc il va commencer à falloir sortir les antinimaces parce que la remontée, et surtout en cette saison, elles sont très actives, et puis la binette, parce que dès qu'il va pleuvoir, vous allez voir tout d'un coup les herbes sauvages folles vont se mettre à revenir dans les massifs. Le plus important, bien arroser pour ces prochains jours, parce qu'il fait chaud, et donc voilà. Ça, c'est important. 6h50, c'est RMC. On accueille maintenant Françoise qui est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour messieurs. Bienvenue. Bonjour messieurs, merci. Bonjour Françoise. Alors, c'est la région bordelaise qui vous appelle. Ah, formidable. Je suis une fidèle de votre émission. J'ai gagné souvent des petites choses sympathiques. C'est beau. Parce que je vous envoyais des belles photos. Eh ben, les plaques miniers, le rétama, enfin, etc., etc. Mais là, j'arrive de vacances. 4 semaines, c'est beaucoup. Oula. Et mon jardin a été gardé, ma maison, etc., mes animaux. Oui. Oh, quel chagrin! Toutes mes azalées, ben, elles ont été oubliées ou mal arrosées. Enfin bon, tout est sec. Aïe. Alors, je m'interroge, je coupe des petits morceaux. Il me semble que je vois du vert. Il me semble. Est-ce que, monsieur Mulan, est-ce qu'il faut que je les taille maintenant? Alors, je les arrose, je les inonde, je leur parle. J'ai un hydrangea grimpant aussi. Alors là, je suis contente parce que les bourgeons commencent à ressortir, mais il est tout sec. C'est une vraie catastrophe. Alors bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je taille mes azalées qui étaient si belles? Il faut pas trop y aller. Enfin, quand vous parlez d'arrosage, moi, je suis d'accord, il faut bien arroser, même beaucoup arroser. Il faut aussi doucher. Hein. Là, j'insiste beaucoup. Je pense que c'est pas forcément la personne qui entretenait votre jardin qui a fait l'erreur. Non, ils ont dû. Voilà. Non, mais il fallait absolument pendant cet été, à un moment donné, les périodes de canicule, sur les azalées. Nous, on a un jardin qui est vraiment couvert de ce genre de plantes. C'est la douche tous les soirs. Et tous les soirs. Donc parce qu'il fallait que l'humidité revienne au niveau des feuilles, parce que sinon elles se flétrissent. Donc dans votre cas, moi je n'irais pas trop fort au sécateur. Pour quelle raison? C'est que vous ne savez pas d'où la plante va repartir. Je pense qu'elle va repartir. Peut-être que vous allez en perdre quand même certaines, mais globalement, il y en a qui vont repartir. Mais d'où? J'espère. Non, mais d'où, vous pouvez pas savoir. Donc, il vaut mieux faire ce que vous avez pu remarquer sur votre hydrangea petiolaris, sur l'hortensia grimpant, c'est d'attendre le bourgeonnement. Quand vous allez... Là, il repart, je suis contente, mais vraiment, il était vilain, le pauvre. Il a que des feuilles marron. Alors là aussi, c'est pareil. Les feuilles, elles sont toutes flétries. Hein. Au bout, il y a une petite feuille verte. Et je vous dis, là, depuis 2 jours, les bourgeons repartent. Voilà. Alors là, je suis contente, je ne touche rien, quoi. J'attends. Ou alors, vous retaillez un peu si vous avez constaté qu'il y a des parties qui sont sèches et que, à la base de ces parties sèches, vous avez des bourgeons qui redémarrent. À ce moment-là, on retaille sur le bourgeon. Idem pour l'azalée. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de signe de vie, vous laissez faire et vous continuez à arroser. Après, vous pouvez avoir une défeuillaison complète et avoir une plante qui va quand même redémarrer au printemps. Vous pouvez peut-être avoir une mise en dormance totale jusqu'au printemps prochain. Donc, il faut être assez patient et voir ce que ça va se donner. Après, c'est aussi... Elles sont vilaines, vous savez. Non, mais moi, je pense qu'il faut leur donner une chance. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir des plantes de cet aspect-là dans le jardin, qui vont les arracher, qui vont en mettre d'autres à la place. Après, c'est une question d'affectif. Voilà. Oui, je comprends, mais vous savez, j'ai 1100 mètres carrés quand même. J'ai de quoi m'occuper. Hein. Non, mais bon. Moi, mon conseil, Françoise, pardon, c'est donnez-leur une chance. Donnez-leur une chance et bichonnez-les au mieux. Et puis vous verrez. Alors bien sûr, si on a des températures très chaudes, et je viens d'annoncer que en milieu de semaine, on aurait vraiment des températures chaudes sur le Bordelais, vraiment douchez-moi tout ça, même si le feuillage est absent, douchez tout ça pour que la plante, elle soit dans un environnement quand même humide et qu'elle supporte mieux les températures. Il faut bien savoir une chose, c'est que les camélias, les azalées, sont pas du tout des plantes qui sont faites pour subir des 30 degrés. Donc pour elles, c'est une catastrophe et donc il faut vraiment les accompagner. Les hydrangea, chez nous, c'est vraiment les signaux d'alarme du jardin quand il a soif. Tout de suite, je vois les feuilles qui baissent, et à ce moment-là, on sait qu'il faut arroser l'ensemble du jardin. Ce sont des plantes qui sont, vous voyez, des grosses gourmandes d'eau, et elles sont toujours assoiffées, donc il faut leur donner. Merci beaucoup, Françoise, pour votre appel. Patrick, quel est cette espèce de vaporisateur que vous avez à côté de vous? C'est pour tout à l'heure, on va parler de ça, il s'appelle le freeze insect. Freeze insect? Oui, en fait, il n'y a pas de produit, c'est uniquement la détente du gaz qui projette en fait le gaz à moins 40, moins 45 degrés. Donc comme les insectes sont des animaux à sang froid et les araignées qui sont pas des insectes aussi, eh bien on peut arriver à les tétaniser complètement et à les éliminer. C'est-à-dire avec qu'on, ça. On surgèle instantanément vous congelez les insectes. Alors bon, ils ont un peu exagéré sur le packaging en mettant carrément des glaçons la plante allait être un glaçon, mais ça vous fait un choc thermique tout simplement, mais à l'opposé. On les crame pas, on les glace. Donc pas d'insecticides, c'est plutôt écologique. C'est dans une... La couche d'ozone avec ça, ça va? Alors, on a en revanche un gaz propulsant, mais qui est autorisé. Qui est autorisé. Attendez, c'est parfait. Couvert par le principe, le protocole de Kyoto. Bon, écoutez, si le protocole de Kyoto a dit OK, tout va bien. Patrick, on va revenir dans un instant sur RMC. Il est bientôt 7h. La météo, les infos, et on attraquera notre deuxième partie dédiée au jardin, vous le savez, avec vos questions au 32-16. Et on retrouvera quoi? Eh bien, spécial acariens, aouta et araignées, avec vos questions sur ce sujet dès maintenant. le 32-16. A tout de suite et bon réveil à vous toutes et à vous tous. RMC, votre jardin. Meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé ? Chez Lidl ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bah paumé, paumé, paumé. Aujourd'hui, les pommes de terre récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,99€. Moins de 2€ le filet de 2,5 kg ? Oui, et origine France patron, hein. Ça fait 80 centimes le kilo de pommes de terre. On va encore. Paumé, oui ça va, j'ai compris, je suis mal. On est mal patron, on. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-55, variété Annabelle ou Marilyn selon magasin, origine France. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, on envoie du bois. Des fabrications colossales, des cabanes originales, des sculptures phénoménales. Du découpage en forêt au travail en atelier, avec René John, chaque chantier est un nouveau défi à relever. Les maîtres de la construction, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Ma femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle ne se rend compte de rien. Je la vois décliner. Je viens d'apprendre que mon conjoint est atteint par la maladie d'Alzheimer. Je voudrais savoir où m'informer et qui peut m'aider à gérer le quotidien. J'ai entendu parler d'une formation des aidants. Mais pour s'organiser, c'est un peu compliqué et puis il y a le prix. Un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. Renseignez-vous sur la formation des aidants de l'association France Alzheimer. C'est partout en France et c'est gratuit. Rendez-vous sur le site aidants.francealzheimer.org. Avec France Gallo et RMC, ne ratez pas demain la journée des cracks du prix de l'Arc de Triomphe. Assistez aux dernières courses préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe, découvrez des animations en famille sur l'hippodrome de Chantilly et vivez le suspense de cette sixième étape des Epic Series. Entrée à partir de 8€, gratuite pour les enfants. Plus d'infos sur qatararctrials.com ou epic.fr. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous ? Oula, oui, freinez encore ? Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Et c'est avec Yasmina Benbekaï qu'on fait un point complet sur la météo de votre week-end. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Il fait beau, il fait chaud, il fera d'ailleurs de plus en plus chaud d'ici lundi. En attendant, c'est encore une journée estivale, sauf du côté de la Bretagne et de la Normandie, avec l'arrivée de nuages, de quelques gouttes et du vent. Quelques orages sont possibles sur les reliefs du sud. Demain dimanche, globalement la même journée, un temps nuageux sur le nord-ouest du pays, ailleurs ce sera du soleil et on aura toujours une petite averse sur le relief. Lundi, du beau temps, il va faire donc de plus en plus chaud, 31 degrés en moyenne au nord, 33 degrés en moyenne au sud. En revanche, dès mardi, les plus orageuses arriveront par l'ouest. Les températures cet après-midi, 20 degrés à Brest, 21 degrés à Cherbourg, 25 pour Rennes et Biarritz, 27 degrés à Paris, à Lille et à Bourges, 29 pour Bordeaux et Toulouse, 31 degrés à Strasbourg, Perpignan et Bastia et 32 degrés à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la Première Ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Stade Français Paris-Castres, suivi de Montpellier-Pau. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1, Lyon-Bordeaux et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant, le retour du week-end des experts jardins. Il est 7h et à 7h, toute l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. 5 terroristes présumés, 5 femmes ultra-radicalisées. Elles n'ont pas pu mettre en œuvre leur projet d'attentat, mais leur profil inquiète. Une seule place, 11 prétendants. Ils ont tous déposé leur parrainage hier soir, la primaire de droite et du centre, avec 8 représentants du parti Les Républicains. Et puis le football et le PSG qui ne séduit personne en ce début de saison. Pas de spectacle hier soir et surtout pas de victoire. Un partout face à Saint-Etienne. Il est 7h sur RMC. Bonjour. Bonjour à tous. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, elles positionnaient une voiture remplie de bonbonnes de gaz tout près de Notre-Dame à Paris. Et puis cette semaine, elles envisageaient d'attaquer des gares d'Île-de-France et des policiers. L'enquête autour d'une cellule terroriste bien particulière. Bien particulière parce qu'elle est essentiellement composée de femmes. 7 personnes sont en garde à vue ce matin. 5 sont des femmes âgées de 15 à 39 ans. La plus dangereuse, vraisemblablement, s'appelle Inès. Elle a 19 ans et vivait en Seine-Saint-Denis, Pierre Rigaud. quartier pavillonnaire familial en bordure d'un bois. Inès a grandi ici avec ses parents et ses quatre sœurs. Adolescence difficile, décrochage scolaire il y a environ 2 ans. C'est à ce moment-là que Corinne, une voisine, a remarqué quelque chose. Tout a dégringolé à ce moment-là. S'habiller à l'européenne, comme disait moi, hein, bermuda, jean, hein, puis d'un seul coup, la grande robe avec le voile, là, mais le visage est à l'air libre. Hein. Même avec sa tenue vestimentaire qui a changé, son comportement n'a pas changé envers le voisinage. Les voisins n'ont pas le souvenir d'une jeune femme radicalisée. Patrick habite dans la rue. Correct, poli, bonjour. Même quand elle était voilée, bonjour, tout va bien, ça va. J'ai vu le papa quand il a été libéré, surpris lui-même, choqué, mais il savait pas. Inès avait tout caché dans l'ordinateur familial. Les enquêteurs ont saisi des images de propagande djihadiste. Elle voulait également partir en Syrie. Le reportage de Pierre Rigaud, un commando commandé depuis la Syrie par Daesh, explique les enquêteurs. Commando anéanti, mais attention, aucun relâchement n'est permis. C'est ce qu'explique le chercheur Jean-Pierre Filu. Nous sommes dans une période que je qualifierais d'ailleurs après le procureur François Molins de période de tous les dangers. Car la frontière entre la Turquie et la Syrie a enfin été fermée au bout de trop longues années où les djihadistes pouvaient aller et venir depuis le sanctuaire juste vers l'Europe. Mais ils ont eu justement tout ce temps pour infiltrer des réseaux sur notre continent et en France en particulier. Et ceux-ci sont en train progressivement de passer à l'action, donc la vigilance reste de mise. Jean-Pierre Filu avec Antoine Boyer. En Syrie, une trêve des combats, probablement à partir de ce lundi. Trêve conclue entre la Russie et les États-Unis qui supportent pourtant des camps opposés sur le terrain. Et ici, le calme est durable. Moscou et Washington envisagent même une collaboration militaire pour lutter contre les groupes islamistes armés sur place. Un partage des responsabilités dans l'accueil des réfugiés, la création d'une plateforme commune pour mieux gérer la charge migratoire. Les conclusions pour le moins très vagues du mini-sommet des pays du sud de l'Europe. Réunion hier à laquelle participait François Hollande. Aucune décision concrète. Donc, et pourtant sur le terrain, les réfugiés attendent d'être fixés sur leur sort. À Athènes, par exemple, ou à Milet-Rosic, certains hôtels se transforment en squats. Dans le hall de l'hôtel, une vaste pièce presque vide, Lina joue avec sa petite sœur aux côtés de sa maman, syrienne. Elles veulent rejoindre la Suède. Mon père et mes 5 frères sont déjà là-bas. Moi, j'ai passé l'entretien pour ma demande d'asile il y a 4 mois déjà. Ils m'ont dit qu'il faut encore attendre. Peut-être encore 1 ou 2 mois. En attendant, l'adolescente de 16 ans vivote dans ce squat et fredonne ses chansons préférées pour passer le temps à défaut d'être à l'école. Son dossier de relocalisation est officiellement accepté, mais comme la France, la Suède traîne à organiser le transfert. Georges est membre de la coordination du squat. Partout, c'est l'hypocrisie. La France ne veut pas accueillir des gens, l'Allemagne ne veut pas accueillir des gens, la Belgique n'en veut pas non plus, l'Italie, etc. Nous, à l'hôtel, on a eu 2 familles. Il devait y avoir 50 qui ont fait la demande. On a eu 2 relocalisations. En Grèce, au moins 30 000 réfugiés attendent toujours de refaire leur vie quelque part en Europe. Le reportage d'Amélie Rosic, envoyé spécial d'RMC en Grèce. La politique en France, et c'est une étape capitale franchie hier pour 11 prétendants, 11 candidats à la primaire de droite et du centre. Ils ont déposé leur dossier de candidature avec les parrainages a priori suffisants. Et 8 représenteront le parti Les Républicains, Violette Vaudoir. Les poids lourds du parti, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, François Fillon et Jean-François Copé n'ont eu aucun mal à réunir leur parrainage. Et même plus, Nicolas Sarkozy a ainsi recueilli les signatures de 103 parlementaires, soit 80 de plus que nécessaire. En revanche, pour Hervé Mariton, cela a été plus compliqué. Lâché hier matin par l'une des parlementaires qui lui avait pourtant promis sa signature, le député de la Drôme a bien failli être recalé. Mais Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly, lui a finalement donné son appui in extremis. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, tous n'étaient pas à armes égales dans cette conquête des parrainages au sein du parti. Tous les candidats n'ont en effet pas eu accès aux fichiers internes pour solliciter les adhérents. Même critique du côté d'Henri Guénaud qui lui a carrément renoncé à participer à cette primaire mais pas à se présenter à l'élection présidentielle. Les précisions de Violette Vaudoir et puis la gauche de la gauche se mobilise également ce week-end avec la fête de l'UMA qui débute aujourd'hui à la Courneuve. Et puis à La Rochelle, les frondeurs se réunissent, université d'été avec Arnaud Montebourg comme invité ce soir. 7h06 sur RMC. Pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas vraiment. Le PSG ne brille pas, ne gagne pas non plus. Un partout seulement à domicile hier face à Saint-Etienne. Vincent Delzesco, il va falloir commencer à s'inquiéter. moins efficace dans son jeu, moins dominateur que ces dernières années. Le PSG version Unai Emery n'a pas impressionné le milieu de terrain stéphanois Romain Amouma. C'est vrai que c'est un pari différent. Ça, c'est une évidence. On sent pas pour l'instant le pari de l'année dernière. Après le but, on les a pas sentis non plus révoltés de vouloir en mettre un deuxième. Avis partagé par l'attaquant des Verts, Nolan Roux, bien content d'en avoir profité. Tant mieux pour nous, hein. Je préfère les rencontrer comme aujourd'hui que comme l'année dernière. Hein. J'ai trouvé qu'ils se sont procurés moins d'occasions que d'habitude. Le défenseur parisien Thomas Meunier est conscient des lacunes du PSG, mais n'est pas inquiet. Aucun doute. Peut-être des remises en question collectives, mais pour le reste, on est conscient de nos qualités. Je dirais pendant 4 ans ici, le PSG a archi-dominé la compétition française. Je vois pas pourquoi ça changerait. Reste à voir si Paris saura se rassurer sur la scène européenne mardi contre Arsenal. Et la suite de cette quatrième journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui. Et ça commence à 17h avec Lyon-Bordeaux. Le tennis également, fils a sombré. 13e fois qu'il affrontait Novak Djokovic. Et 13e défaite, cette fois-ci en demi-finale de l'US Open hier soir. Gaël Monfils qui est retombé dans ses travers. Il a tenté la nonchalance pour déstabiliser le numéro 1 mondial. Ça n'a pas marché et ça a valu aux Français les sifflets du public. Quand je joue normalement, je me fais écraser. Quand je joue un peu différemment, c'est pas match, je veux dire, mais je gagne des jeux. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis déçu d'être bafoué un petit peu comme ça. C'est un peu dur, mais on a l'habitude, on relèvera la tête. Et le seul truc que je peux dire, c'est que je suis malheureusement pour des personnes joueur professionnel de tennis et très fier et très content. Et malheureusement, je fais le maximum pour gagner des grands tournois. Et malheureusement, ça va bientôt venir. Et puis le top 14 de rugby, quatrième journée qui débute aujourd'hui avec deux leaders surprenants, Brive et La Rochelle. Mais pour les deux clubs, pas question de s'enflammer, notamment à La Rochelle chez l'entraîneur Patrice Collazo. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui font la une des médias, que ce soit nous, Brive, Toulon. Ça me fait rire parce que si on perd ce week-end, on fera la une, mais dans l'autre sens, quoi. On va se concentrer sur l'essentiel, le terrain. C'est déjà pas si mal. Après, c'est bien de parler du club, mais trois journées de championnat, c'est que dalle, quoi. C'est pas des choses qu'on doit surtout écouter et prendre en compte, parce que sinon on va pas avancer. Voilà, La Rochelle qui affrontera Lyon en fin d'après-midi. Le choc du jour, c'est ce soir, Clermont face au Racing 92. 7h08 sur RMC. Et on termine par les courses. Il a l'air un peu enrhumé. Oui, il a l'air un peu enrhumé. Bah, écoutez, c'est la saison, hein. Ça peut arriver. Bah oui, enfin, c'est heureusement septembre, c'est quand même dommage. Oui. L'hiver va être compliqué. C'est vrai. Faut peut-être le soigner, le vacciner. Ouais. Tiercé Quartet Quintet plus à Vincennes. Thomas et Sébastien Darras nous conseillent le 15 Arlington Juimella Sarkangel Am. Drahima Sloum a bien le 17 Ariane du Caponnet. Et Laurent Godard, quant à lui, retient le 3 Cash Gamble et le 10 Apollo de Cassis. Pardon. Le 15 l'As, le 17 le 3 et le 10. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Et dans un instant, le retour du week-end des experts, toujours au cœur de ce rendez-vous jardin avec Patrick Miolan. Vous êtes victime dans votre jardin d'acariens, d'aouta et d'araignées. Eh bien, vous savez quoi, on va arriver à les éradiquer dans un instant avec les conseils de Patrick et de nos invités. À tout de suite. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes, yes, yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bon, alors, t'as choisi ta montre ? Bah, je sais pas, une montre mécanique, plus classique, ou une montre connectée, plus techno. Bah, j'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour un Nissan Qashqai Vizia DEGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000 euros d'apport jusqu'au 30 septembre aussi à Cordiac. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Une rentrée cool pour Darty ? C'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors Darty.com. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h11. Bah oui, écoutez, moi, ça y est, je dégaine mon vaporisateur parce que j'en peux plus. J'en peux plus, moi, de ces acariens, de ces araignées et de ces aoutas. Tiens, encore un coup. Voilà. Attention, Patrick, ne vous mettez pas au milieu parce que je suis énervé, là. Hein, vous l'avez remarqué. Et oui, parce qu'avec la chaleur qu'il fait actuellement, prolifération de toutes ces petites bébêtes, et on va en parler jusqu'à 8h. Voilà, les bébêtes à huit pattes, on va dire, parce qu'en fait, pour les distinguer des insectes... Huit pattes, moi, ça me fait pas peur. Non, non, mais on peut tout de suite savoir si on a affaire à un insecte ou à un acaria. Alors justement, ou à, tiens, un arachnide. Rappelez-nous, donc, l'araignée a combien de pattes? Il y en a 8. L'araignée a 8 pattes. Et les insectes en ont 6. D'accord. Et ça, il n'y a pas d'exception. C'est comme ça. Alors, il y a une exception qu'on verra peut-être tout à l'heure avec l'aouta qui est un peu bizarre. C'est que la larve de l'aouta, donc la larve du trombidion, et qui est celle qui nous pique, elle, elle a 6 pattes. Quand elle est là, quand elle est en larve, et ah après oui. Devient un acarien avec 8 pattes. Donc ça, c'est bon, c'est le mystère des insectes. D'ailleurs, pour parler. Cela dit, ça ne va pas être facile à compter quand même sur des petits trucs comme ça, hein, les pattes. Ah non, alors sur les aoutas, il faut la micro, bien sûr. Non, pour parler de tout ça, j'ai invité un expert entomologiste que vous connaissez, parce qu'il est déjà venu plusieurs fois à l'émission, il s'appelle Vincent Alboui. Il est auteur de très nombreux livres, dont un livre qui est paru il y a quelques années, mais qui est toujours en vente, qui s'appelle « Jardiner avec les insectes ». Alors, ça positionne tout de suite un peu le principe de l'émission, c'est qu'on va pas essayer d'être dans l'éradication. Non. Il faut qu'on soit à la fois dans la compréhension, dans le respect, la prévention, et après dans l'équilibre, pour que on puisse faire, on va dire, un petit peu ami-ami avec tout ce monde-là. D'autant plus qu'on verra que les araignées, elles sont extrêmement utiles pour le jardin. Vincent, bonjour, bienvenue avec nous. Alors oui, bonjour. On va dire bonjour à Vincent, mais juste avant, j'aimerais vous inviter à nous appeler au 3216. Hein, 3216 ou jardin@rmc.fr. Si vous êtes victime de ces petites bébêtes dans votre jardin, n'hésitez pas, on vous attend. Si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Vincent, donc, bonjour. Bonjour. Donc, bon, on faisait un petit préambule autour de tout ça. C'est vrai que, bon, pour les puristes, les acariens et les araignées, c'est pas exactement les mêmes bébêtes. Mais enfin, c'est quand même très proche, tout ce petit monde-là. Oui, c'est des cousins très proches. Et puis, par rapport au nombre de pattes, la règle n'est valable, en fait, que pour les adultes. Dès qu'on est dans les larves, on a des choses un peu aberrantes. Et par exemple, chez les insectes, les asticots, larves de mouches, n'ont aucune patte. Aucune patte, ouais. Donc voilà. Donc, la règle est toujours valable chez les adultes. Voilà. Donc, faut regarder là-dessus. Alors, il y a beaucoup plus d'espèces d'araignées qu'on pourrait imaginer, hein, parce que en France, j'ai un chiffre qui est autour de 1600 espèces, 44 000 dans le monde, vous êtes d'accord, Vincent? Oui, c'est ça, j'avais entre 1000 et 2000 espèces pour la France, c'est toujours compliqué à compter, mais c'est de cet ordre-là. Et puis on en découvre tout le temps? Oui, ça fait partie de ces groupes, on en découvre tout le temps, donc pour donner un ordre d'idée, c'est environ 80 mammifères en France, environ 400 oiseaux si on compte ceux qui font que passer, et vous voyez, 1600 araignées pour les insectes. C'est entre 35 000 et 40 000. Voilà. Ah oui. C'est des échelles. Alors, ce qu'il faut essayer, c'est tout de suite aussi de dédramatiser. C'est-à-dire que sur les 44 000 espèces du monde, il n'y en aurait que 350 qui ne sont pas venimeuses. Mais sur les 43 650 qui restent, seuls 200 peuvent nous mordre vraiment. Parce qu'en fait, être mordu par une araignée, c'est pas si évident que ça. Et seulement une vingtaine sont réellement dangereuses. Donc, on n'est quand même pas dans un monde aussi effrayant qu'on veut bien le dire. Et d'où vient un peu, Vincent, cette phobie de l'araignée? C'est difficile à dire, c'est souvent hérité de l'enfance déjà. Bon, faut reconnaître que le look de l'araignée n'est pas très, surtout les plus grosses, qui sont pas forcément les plus méchantes. Alors, il y a des régions du monde où quand même, faut se méfier des araignées. Hein. Le Brésil, l'Australie, c'est des régions où il y a des bestioles méchantes. Mais pour notre zone à nous, l'Europe occidentale, à part peut-être la malmignate, la veuve noire méditerranéenne, qui a une piqûre douloureuse, qui n'est pas vraiment mortelle, elle est mortelle dans d'autres régions du monde. C'est quand même des araignées beaucoup plus faciles à vivre. Et puis c'est pas les plus grosses qui sont les plus dangereuses, parce que là, justement, cette fameuse malmignate, elle est quelques millimètres de long, alors que les grosses araignées des maisons sont absolument sans danger. Oui, alors on en parlera dans la deuxième partie de l'émission des araignées. Je voudrais qu'on commence un peu avec les acariens, puisqu'on est quand même dans une émission de jardin. Et les acariens, donc, qui sont les petits cousins des araignées et qui ont huit pattes aussi. adorent, on va dire, les conditions climatiques que l'on vit actuellement. Et on les appelle très souvent donc les araignées rouges. Et elles sont quand même assez impactantes, on va dire, sur les jardins. Moi, j'ai vu notamment certaines plantes en ce moment dans... Comme on parlait la semaine dernière des plantes qui peuvent remplacer les buis pour la pyrale et notamment les Ilex crenata. Les Ilex crenata, si vous les douchez pas tous les soirs actuellement, ils se prennent des attaques d'araignées rouges qui peuvent les défolier en quelques jours. Oui, les conditions sont parfaites pour qu'ils se multiplient très vite, hein, puisque ces animaux sont très sensibles à la température extérieure et autour de 30 degrés, ils ont leur développement le plus rapide. Et en plus, les acariens sont des animaux qui aiment l'air plutôt sec. Une des méthodes, par exemple, pour se débarrasser des acariens qu'on aurait sur des plantes d'appartement, c'est d'avoir un humidificateur d'air pour garder une humidité supérieure à 75%. Oui. Donc là, tout est en place pour qu'ils profitent au maximum de ces conditions exceptionnelles de cette année, avec évidemment des impacts sur nous, puisque... Que ce soit les acariens végétariens, donc ceux qui finalement pompent la sève puisqu'ils se nourrissent de liquide, les acariens. Donc ceux qui pompent la sève des plantes, ou que ce soit des acariens parasites comme les aouta qui s'occupent de notre sang, et leur pullulation nous dérange au jardin. Oui, voilà, on a ce problème-là. Alors on s'est rendu compte d'une chose, c'est que lorsque on entretenait un équilibre biologique au niveau notamment d'une présence acceptable d'insectes dans les jardins, dans les cultures, on voyait les attaques de tétraniques notamment, donc l'araignée rouge habituelle, qui est pas forcément rouge d'ailleurs, qui peut être jaune, oui, mais qui baissait considérablement. Est-ce que on peut vraiment imaginer d'avoir un équilibre au jardin dans lequel on n'aurait pas d'intervention particulière à faire et que ces fameux acariens, bon bah, ils trouvent leur prédateur naturel? Alors, le jardin sans intervention, c'est une utopie. Hein, oui. Même quand il n'y avait aucun produit chimique, il y avait des problèmes. Non, ce qu'il faut par contre, c'est garder la mesure. Alors, le problème des acariens est intéressant parce que quand le DDT est arrivé, la solution miracle, on a cru l'avoir trouvée. Et effectivement, dans les vergers, par exemple, un certain nombre de problèmes récurrents liés aux pucerons, liés aux carpocaps, etc., ont été assez vite résolus, mais ont été remplacés par des acariens végétariens qui s'attaquent au feuillage. Parce qu'en fait, eux-mêmes, auparavant, étaient contenus sous un certain seuil... Par des prédateurs. Par des prédateurs, et puis aussi par la concurrence, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on supprime un ravageur, on laisse disponible une ressource alimentaire, une niche écologique qui va être très souvent occupée par un autre. Mmh. Et l'inconvénient de ces acariens, c'est que résistaient très vite, d'abord étaient très difficiles à atteindre par des pulvérisations normales, et ils avaient des mécanismes pour résister très vite aux produits, donc ça s'est enchaîné, et la meilleure méthode maintenant pour lutter contre les acariens, c'est justement ce qu'on appelle la lutte raisonnée ou la lutte intégrée, où on n'utilise pas systématiquement les produits chimiques, mais uniquement quand il y en a vraiment besoin, pour favoriser un équilibre, et notamment une faune d'acariens prédateurs, oui, parce que le pire ennemi d'un acarien est un autre acarien, notamment les typhlodromes, qui sont très efficaces, et c'est cet équilibre-là qu'il faut préserver, qui permet de peu intervenir, mais il faut reconnaître qu'avec des conditions un peu, comme on est une année un peu aberrante, des conditions un peu aberrantes, même s'il y a des typhlodromes dans le jardin, les acariens végétariens peuvent cette année pulluler plus d'habitude. On revient dans un instant, Vincent, Patrick, on poursuit sur les acariens, sur les aouta, les araignées, on en parle jusqu'à 8h sur RMC. N'hésitez pas, vous êtes victime de toutes ces bébêtes dans votre jardin. Vous voulez avoir peut-être des conseils pour les éradiquer, mais peut-être de manière douce, ou alors les éloigner tout simplement. 3216, jardin@rmc.fr, à tout de suite. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore? Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Ça veut dire quoi être cool pour Darty? Être cool, c'est être détendu après ses vacances. C'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille. C'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un lave-linge à prix cassé. Bref, c'est être cool, quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, du 8 au 15 septembre, le lave-linge 10 kg Thomson TW 1016 est à 549 euros seulement, au lieu de 699, soit 150 euros d'économie. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh la chance ! Et le tien ? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben-Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben-Hur, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Actuellement au cinéma. Ce mois-ci, la TVA s'est pris une bonne gaufre chez Sokouk. Du 7 au 30 septembre, Sokouk vous offre la TVA sur toutes ses cuisines équipées. Adieu TVA, cette fois c'est cuit pour toi. Concoctons ensemble votre cuisine. Sokouk, 120 magasins de cuisine équipés 100% fabriqués en France, à retrouver sur sokouk.com. RMC, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Là, on essaie de les éradiquer, mais c'est pas facile. 7h23, c'est RMC. On évoque ce matin les Aoutas, les acariens, les araignées, avec Patrick Mulan, bien sûr, et notre invité Vincent Albouy. Alors, on va essayer quand même, avant de passer aux araignées, d'expliquer quand même comment on peut déceler une attaque d'acarien sur ces plantes, parce que comme ils sont tout petits, c'est pas forcément évident. Oui, on les voit pas forcément bien. Alors, on a expliqué, Vincent a expliqué que l'acarien mange, en fait, le parenchyme, c'est-à-dire donc la peau de la feuille, et il va pomper à l'intérieur le jus des cellules, d'accord, le liquide. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh bien, à la place du liquide, vous avez de l'air qui provoque une oxydation, et la cellule, au lieu d'être verte, eh bien, elle blanchit. Et donc, du coup, la feuille qui est attaquée par les acariens prend une teinte un peu gris-argentée qui est extrêmement caractéristique parce que vous pouvez très bien ne pas les avoir vus du tout. D'accord. Alors, en revanche, quand l'attaque est très importante, et ça on le voit souvent dans les intérieurs, parce que malheureusement ça sévit plus, je dirais, sur les plantes d'intérieur que sur les plantes d'extérieur. Parce qu'ils sont dans un environnement, on va dire, très favorable. D'accord. Et par exemple, sur les feuilles de palmier, les quincias sont très sensibles à ça. Et vous pouvez avoir entre les folioles de la feuille de palmier des petites toiles. Et c'est là que vous repérez les acariens qui sont comme des petits points colorés que vous allez voir. Et là, vous êtes vraiment dans une attaque importante. Depuis 2008-2010, il n'y a plus aucun acaricide autorisé sur notre territoire. Donc, enfin, du moins pour les jardiniers amateurs, hein, le dicofol, tout ça, c'est oui, interdit. Donc, on a, à part vraiment, je dirais, l'augmentation d'humidité atmosphérique, pas grand-chose à faire, parce que bon, les insecticides un peu efficaces à base de pyréthrine sont quand même pas très forts. Alors, on trouve en revanche aujourd'hui, notamment dans le domaine professionnel, une gamme impressionnante d'auxiliaires. Alors là, on a vraiment toute une panoplie, mais ça marche surtout dans des conditions fermées, et je pense qu'à la maison, par exemple, on pourrait utiliser des auxiliaires. Mmh. Vincent, est-ce que ça pourrait marcher donc d'utiliser certains auxiliaires comme ça pour traiter son palmier ou des grosses attaques qu'on pourrait avoir dans la maison ? Dans la maison, alors les tiflodromes sont efficaces, hein, ça c'est sûr. Maintenant, si on veut utiliser les tiflodromes, il faut maintenir aussi pour les tiflodromes des bonnes conditions. Donc on ne peut pas d'un côté vouloir rendre la vie impossible aux acariens et de l'autre côté introduire les tiflodromes. Hein. Il faut choisir la stratégie. On peut pas combiner les deux. Oui, on peut pas se mettre à doucher les plantes et puis mettre voilà, les acariens prédateurs. Mais c'est une technique très très efficace. Hein. Mmh. D'autant plus que les tiflodromes, si vous les introduisez une première fois, si vous maintenez des bonnes conditions, la population va rester et ensuite normalement tout se passe passe bien sans que vous ayez à intervenir de nouveau, à condition bien entendu que vous ne faites pas de... parce que si vous faites un autre traitement pour un autre problème sur le palmier, là ça peut affaiblir les typhlodromes, mais à ce moment-là les acariens reprendront, les végétariens reprendront le dessus. Donc il faut, ça marche bien, mais il faut savoir qu'il y a quand même des contraintes. Il faut choisir son camp en fait. Voilà, son camp. Bien sûr. Mais oui, c'est très efficace. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en trouve beaucoup dans le commerce. C'est parce que, comme c'est efficace, il y a un marché. Alors, ce qui est dommage, c'est que les noms sont très compliqués, parce que je vois que le plus efficace, a priori, pour le tétranique, c'est Phytoceullus persimilis. Alors, vous vous rappelez de celui-là. Mais en fait, si vous tapez sur l'internet, auxiliaire acarien, vous trouvez facilement des offres. Hein. Voilà. Parfait. Vincent, vous restez avec nous. Patrick, il est bientôt 7h30. La météo, les infos. Et on sera de retour. Avec les aoutas et les araignées. Voilà, aoutas, araignées. Ne vous inquiétez pas, on va pas en avoir dans ce studio. Hein. Vous allez pouvoir nous écouter tranquillement. Vous voulez poser vos questions, réagir sur ce sujet, témoigner. Est-ce que vous avez des aoutas ou des araignées dans votre jardin? Le 32-16. À tout de suite, on revient dans un instant. RMC, 6h-8h, votre jardin. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 septembre selon autorisation. Free State of Jones, avec Matthew McConaughey. On est tous là à crever pour qu'il reste riche. Un déserteur devenu un meneur. Aucun homme ne doit dire à un autre homme pourquoi il doit vivre, ni pourquoi il doit mourir. Un meneur qui dirigea une révolte. On se bat pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Free State of Jones, justice, égalité, liberté, le 14 septembre au cinéma. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis paumé là. T'es paumé là. C'est quoi encore ce méli-mélo? T'es chez Lidl? Ah oui, et pour nous c'est pas un mélo, hein. C'est un drame patron. Aujourd'hui, ils nous ont mis le pomelo à 69 centimes la pièce. Le pomelo à 69 centimes pièce chez Lidl. Bon, c'est pas gagné. Ah, c'est paumé là, oui. Et c'est le vrai prix, hein. 69 centimes. Ben ça suffit. Tu vas mollo sur le pomelo, ok? Ok patron, on est mal, je sais. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine Afrique du Sud. Événement Food. Vendredi 16 septembre à 20h40 sur la chaîne numéro 23. Ne ratez pas le choc de la 5e journée de Premier League entre Chelsea et Liverpool. Retrouvez Eric Dimeco et Luigi Collange pour vivre en clair cette affiche exceptionnelle. Chelsea-Liverpool, c'est vendredi 16 septembre à partir de 20h40 en direct et en clair sur la chaîne numéro 23. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 €, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Et c'est avec Yasmina Benbekaï qu'on fait un point complet sur la météo de votre week-end. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Globalement, c'est une belle journée aujourd'hui, hein, sauf au nord-ouest, avec d'abord un temps perturbé en Bretagne, avec des pluies et du vent. Les pluies gagneront le pays nantais et la basse Normandie au fil des heures. Ailleurs, on a beaucoup de soleil toute la journée. En revanche, le temps va devenir instable avec des averses ponctuées d'orages sur les Pyrénées, les Alpes, la montagne Corse ou encore l'Auvergne. Les températures cet après-midi, il fait toujours chaud. 20 degrés à Brest, 21 degrés pour Cherbourg, 25 à Rennes et à Biarritz, 27 degrés cet après-midi à Paris, à Lille et à Bourges, 29 à Bordeaux et Toulouse, 30 degrés à Lyon, 31 pour Strasbourg, Perpignan et Bastia et 32 degrés à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, 7h30. Et à 7h30, un point sur l'actualité, c'est avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 11 au départ et au soir du 27 novembre prochain, il n'en restera qu'un candidat de la droite et du centre pour la présidentielle. Les participants ont envoyé hier leur dossier, leur parrainage. 8 représentent les partis, les Républicains. Hervé Mariton et Nathalie Kosciusko-Morizet sont parvenus à réunir leur signature à la dernière minute. La politique ce week-end, c'est aussi la gauche de la gauche qui s'est réunie à la Courneuve d'abord pour la traditionnelle fête de l'UMA et puis à La Rochelle sans le Parti Socialiste, les Frondeurs entretiennent leur université d'été avec Arnaud Montebourg en guest star. 5 terroristes présumés, 5 femmes prêtes à passer à l'acte en région parisienne, c'est inédit. Elles sont toutes en garde à vue ce matin avec 2 autres hommes. L'enquête sur cette voiture retrouvée remplie de bonbonnes de gaz à Paris le week-end dernier. Elles sont ultra radicalisées, disait hier le procureur de Paris, et leur acte était commandé directement par des membres de Daesh en Syrie. Un accord entre Russie et États-Unis, discussion vraisemblablement fructueuse hier à Genève, Moscou et Washington, sont donc tombés d'accord pour organiser une trêve des combats en Syrie, trêve qui pourrait débuter lundi. L'inquiétude de la communauté internationale face à cette nouvelle provocation de la Corée du Nord. Hier, c'était un 5e test nucléaire qui a été procédé par le régime de Pyongyang, le plus puissant, presque l'équivalent d'Hiroshima. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne et envisage de nouvelles sanctions. L'espoir, le PSG qui ne fait pas le spectacle, mais surtout qui ne gagne pas un partout seulement hier soir face à Saint-Etienne en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, et qui se poursuit aujourd'hui à 17h, notamment Lyon qui reçoit Bordeaux. Et puis le tennis, Gaël Monfils n'a pas fait le poids à demi-finale de l'US Open, et Novak Djokovic s'est facilement défait du Français en 4-7 la nuit dernière. 7h31 sur RMC. Patrick Mulan, François Sorel, votre jardin, messieurs. Merci beaucoup, Thomas Chupin, alors que le soleil est en train de se lever sur Paris. On revient dans un instant. Le 32-16 pour poser toutes vos questions au jardin. N'hésitez pas, à tout de suite. Si vous avez raté quelque chose, RMC a tout prévu. Tous les jours s'écoutent aussi en podcast sur les applis et sur rmc.fr. Monsieur Mumio, attention, il est temps de retrouver une question. Flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Taï qui habite Metz. On m'a dit que l'extrait de marron d'Inde avait un effet répulsif sur les araignées. Quel est votre avis, Patrick? Alors c'est ce qui se dit, moi j'ai pas utilisé cela parce que bon, nous quand on a des araignées qui rentrent dans la maison, on essaye de les chasser avec un petit coup de balai ou on va les remettre dans le jardin puisqu'on a le jardin. Quand on habite en appartement, c'est un peu moins évident parce qu'on va effectivement essayer de courir après. Alors oui. Bon, soit on les écrase, mais dans ces cas-là on se fait mauvaise conscience. L'extrait de marron d'Inde, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans la littérature qui est est présenté comme étant un élément répulsif. Donc normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va en déposer des gouttes sur le pas de la porte, sur les portes et les fenêtres, de manière à empêcher, ou du moins à créer une sorte de barrière olfactive pour que l'araignée ne rentre pas chez vous. Alors, c'est un produit qu'on trouve très facilement, l'extrait de marron d'Inde, puisqu'en fait, on l'utilise au niveau humain comme un tonique veineux. Dès que vous avez une circulation un peu difficile, les jambes lourdes, etc., même des hémorroïdes, c'est un produit qui favorise la vasoconstriction et qui est décongestionnant et qui a un effet légèrement anti-inflammatoire. Et donc, on va utiliser facilement et qui n'est pas du tout dangereux ni rien. Donc, vous pouvez tenter le truc. Alors après, sur les araignées qui vous font peur, moi je dis c'est mieux d'enlever l'étoile quand c'est vrai que ça donne toujours l'impression que la maison est pas propre, mais on est toujours dans un coin de mur souvent planqué parce que les araignées ça aime bien les endroits où on les voit pas. Et oui, bien donc, sûr. On balaye régulièrement, mais en ce moment vous avez effectivement les grosses tégénaires qui rentrent dans la maison et on en a un petit peu peur. Alors, on les enlève, c'est tout. 32-16 pour toutes vos questions jardin sur RMC. Appelez-nous, n'hésitez pas. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Nous voilà de retour, 7h35, c'est RMC. Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Et merci d'être avec nous le week-end des experts, exclusivement sur RMC chaque samedi et dimanche. Le jardin, la maison le samedi, les animaux, l'automobile le dimanche. Et merci d'être là. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous. Et on salue tous ceux qui travaillent ce samedi matin. Jusqu'à 8h avec Patrick, on évoque ces petits nuisibles du jardin qui pullulent actuellement. Les aoûtas, les acariens et les araignées. Alors on va commencer, maintenant on a bien vu les acariens, on va rester dans le monde des acariens puisque c'en est un, avec l'aouta. L'aouta, donc on appelle aussi, d'ailleurs vous me faisiez remarquer en disant tiens, on est au mois de septembre, oui, mais on l'appelle aussi le vendangeur ou le vendangeron, ou le vendangeon, parce que donc en fait, là, il est très actif à la période des vendanges, et on commence effectivement à le ressentir dans le courant du mois d'août lorsque il commence à faire chaud et sec. Et lui il gratouille. Donc lui il vit dans les prairies, c'est un animal essentiel du sol, mais au stade de la larve, il a besoin de sang pour se développer. Ça, c'est pas sympa. Généralement, il attaque plutôt les bébêtes qui sont près du sol, les animaux, y compris celles qu'on aime bien, comme les hérissons et tout ça. Mais quand vous passez par là, les chiens peuvent subir, bien sûr. Et quand vous passez par là, il va aussi venir sur vous. Alors, il va vous piquer, il va vous pomper un peu le sang et ça vous démange énormément. Donc, Vincent, quelle est votre position par rapport à la Outa? Ma position, c'est prévention plutôt que extermination, parce qu'on n'arrive pas de toute façon. On n'arrive pas, donc faut qu'on ait fortune de mon cœur. Donc, chacun a ses trucs. Hein. Il y a deux stratégies, donc soit la prévention, soit le soin. En prévention, moi j'ai connu les Aouta quand j'étais gamin en région parisienne, dans la banlieue Est. Là, c'était un fléau. Maintenant que je suis en province, c'est dans une zone où il n'y en a pas, donc c'est un peu vieux pour moi. Mais en gros, il faut s'habiller de manière à ce qu'il y ait des abris couvrants, et puis surtout faire en sorte que... Quand il fait 30 degrés et qu'on jardine, c'est pas tellement sympa. On est d'accord, mais bon, à ce moment-là, on jardine le soir à la fraîche, parce que sinon, il faut savoir... En gros, ils montent sur la végétation, et je sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, quand j'étais gamin, c'était le pire, c'était dans les haricots verts. Oui, tout à fait. Les haricots verts, petits pois, donc... dans les pelouses aussi, on en a quand même pas mal. Oui, dans l'herbe, voilà. Mais là, quand on va cueillir, vêtements couvrants, etc. Ma grand-mère s'enduisait d'huile. Oui. Parce que c'est notamment sur ils vont dans les replis de la peau, hein, les côtés un peu Dans l'aine, sous les bras, à la pliure du coude, donc s'enduire d'huile. Je connaissais une personne qui utilisait de l'huile essentielle de lavande aussi On avait un potager qui était vraiment envahi d'Aouta quand j'étais gamin. Effectivement, on allait récolter les haricots et on revenait, on était piqués de partout. Ce qu'on faisait, c'était immédiatement on passait sous la douche et après on se frictionnait à l'eau de Cologne et on avait vraiment, on va dire, des effets minima. Donc c'est un truc que je peux vous conseiller à tous. En revanche, est-ce qu'il y a des moyens d'empêcher d'avoir des attaques, de la présence d'Aouta? Non. Moi, j'en connais pas. Non, moi non plus. En revanche, il faut quand même le dire, il y a quand même un produit de traitement pour l'homme qui s'appelle le benzoate de benzyle ou ascabiol, c'est peut-être plus facile, que l'on utilise pour éviter, lorsqu'on a été piqué, pour pas avoir de lésions après, etc. Donc, vous pouvez aussi utiliser cela. Nous avons Arlette, Vincent et Patrick qui nous appellent au 3216. Bonjour Arlette. Bonjour. Bienvenue. Oui. Bonjour. Alors, les araignées sont là, Arlette? Oui. Justement, j'ai des toiles dans les cyprès, mais je les vois pas, les araignées. Mais il y a des toiles de partout, alors c'est pas beau. On dirait qu'on a fait une décoration, mais c'est vraiment... c'est Halloween. Vraiment pas beau. C'est un peu Halloween dans votre jardin. Voilà, exactement. Arlette, est-ce que vous avez des symptômes d'agression sur les cyprès? Est-ce qu'il y a une décoloration du feuillage? Est-ce qu'il pousse moins bien? Absolument pas. Oui, donc vous avez simplement des cyprès qui sont très attractifs pour servir d'HLM aux araignées. Oui. Mais je serais d'avis de laisser comme ça, Vincent. Oui, les araignées, hein, donc... C'est dont on va parler maintenant. Notamment celles qui font des toiles, sont uniquement prédatrices et elles ne consomment que de la chair fraîche. C'est-à-dire il faut qu'elles attrapent un animal vivant et qu'elles le tuent elles-mêmes. Hein. Vous tuez une mouche, vous la mettez dans une toile, elle ne sera pas consommée. Ou alors il faut qu'elle soit juste écrasée. Et donc à ce titre-là, elles font partie de ce que j'appelle le système immunitaire du jardin et elles aident à contrôler les espèces qui pourraient pulluler. Alors c'est pas très esthétique effectivement quand elles sont nombreuses, mais c'est bon signe. Ça veut dire que votre jardin, vous traitez pas ou vous traitez peu, et donc que le jardin est équilibré. Et puis elles ont été aussi peut-être favorisées par ce temps plutôt sec et chaud qui a permis un développement plus rapide et une moins forte mortalité. Mais bon, moi je pense qu'à part le côté esthétique qui vous peine un peu, il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, avec les froids, elles disparaîtront. Et puis il y aura une prochaine génération l'année suivante. Et si le temps est froid, humide l'été, elles seront moins nombreuses. Mais voilà, il n'y a que ce petit problème esthétique, mais sachez qu'elle vous paye le loyer en vous aidant à maîtriser tout ce qui pourrait pulluler dans votre jardin. D'accord, mais on en a un qui est vers où je mets mes tortues, mais je vous assure, je suis obligée de passer près, mais j'appréhende. Bon, rappelez, Vincent, dites-nous quand même qu'on ne risque pas grand-chose avec ces araignées. Hein. Non, là, c'est des araignées à toile qui piègent les insectes pour... Oui. qui volent, en fait. Les araignées généralement dangereuses, c'est plutôt les araignées qui sont sur le sol, sous les pierres, les choses comme ça. Mais de toute façon, sauf si vous êtes en région méditerranéenne, il n'y a pas d'araignées dangereuses en France. Et donc, il n'y a que ce... Alors, c'est désagréable, hein, je constate que quand on a des toiles d'araignées dans les cheveux... Voilà, c'est ça. Ce qu'on n'aime pas, c'est le contact de la toile, encore plus peut-être que la proximité de l'animal. Parce que toile, c'est un peu désagréable. On y passe près, alors ça fait peur. Hein. Non, mais vraiment, il n'y a aucun risque. Et puis, vous n'avez aucun intérêt à détruire les toiles, parce que de toute façon... Elles refont immédiatement. Donc c'est une lutte sans fin, donc autant les laisser. Mais il n'y a pas de danger, quoi. Enfin, de ce point de vue-là, ni pour le cyprès, ni pour vous. Bon. Voilà. Moi, j'ai un chiffre extraordinaire. Hein. C'est qu'il faut savoir que le rôle écologique de l'araignée est très important, puisque en fait, on estime qu'elles détruisent 400 millions d'insectes par hectare par an. Oula. La présence des araignées. Tiens. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de parler des araignées aujourd'hui, c'est en début de semaine, je promenais mon chien très, très tôt le matin, et toutes les pelouses, il y en avait, mais des plusieurs milliers de mètres carrés, étaient couvertes de toiles d'araignées. Qu'on voyait très très bien parce qu'il y avait la rosée après elles disparaissent. Ouais. Et du coup, j'ai appelé Vincent, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dessus? Et il m'a expliqué qu'effectivement, il y avait beaucoup d'araignées qui vivaient au ras du sol. Et elles capturent les criquets, hein, c'est ça Vincent? Alors oui, il y a plusieurs... Alors déjà, il faut savoir que ces araignées qui font des toiles sont nombreuses, mais il y a beaucoup d'araignées qui chassent soit à l'affût, soit à court. Hein. Donc, toute araignée ne construit pas une toile. Et ces araignées à toile, il y a des stratégies diverses. La toile la plus connue, c'est ce qu'on appelle la toile orbitelle, la toile verticale en spirale. Ça, c'est pour intercepter les insectes volants. Mais vous avez des toiles, soit ce qu'on appelle en dôme, ça fait une sorte de masse informe, c'est les toiles les plus primitives, soit des toiles plates mais horizontales, et là elles sont plutôt adaptées à attraper des insectes, soit qui marchent dans les herbes, soit qui sautent comme les criquets, et on sait que en cette saison les criquets sont très nombreux dans les prairies, et donc on a ces araignées spécialisées qui se sont installées et qui donc vont faire le ménage aussi dans les criquets. C'est la manière de limiter, ça fait partie de l'équilibre écologique. Et plus l'araignée est grosse, évidemment, plus la toile est visible. Et donc, comme généralement les araignées commencent leur vie sous forme de larves au printemps et la terminent sous forme adulte à l'automne, plus on avance dans la saison, plus les toiles sont nombreuses et visibles. Alors, il y a une chose que je voulais dire aussi à Arlette, c'est que peut-être le fait qu'elle ait énormément de toiles d'araignées dans ses cyprès veut dire qu'elle n'a pas suffisamment d'oiseaux. Parce qu'en fait, la régulation des populations d'araignées est faite aussi par les oiseaux, parce que on parle d'araignées en tant que prédateurs, mais elles ont aussi leurs propres prédateurs. Et donc, du coup, si on n'a pas un bon équilibre biologique dans le jardin, et notamment un manque d'oiseaux, on risque effectivement peut-être de favoriser la prolifération des araignées. Vincent? Oui, et puis il y a d'autres... Mais des insectes aussi, parfois. Voilà, notamment, il y a pas mal de guêpes qui sont spécialisées. Il y a tout un groupe de guêpes, les pompiles, qui sont spécialisées dans la chasse aux araignées. Donc, tiens, ah oui. Elles paralysent les araignées, ces petites guêpes, et elles les mettent dans un terrier, et elles pondent leur œuf sur l'araignée, et la larve va manger l'araignée vivante petit à petit, en commençant par les zones, les réserves de graisse par exemple, et en finissant par manger les organes vitaux et donc là tuer l'araignée. Tiens. Donc l'araignée finit sa vie dévorée de l'intérieur sans pouvoir bouger. Hein. C'est pas mal comme... Il y a une justice pour les gens qui ont peur des araignées, pensez aux pompiles. Il y en a beaucoup en France, parce que c'est quand même plutôt tropical ça, les pompilidés. Il y en a beaucoup en France, hein, un certain nombre, plutôt en région méditerranéenne, parce que plus il fait chaud, plus ils se plaisent. Mais vous en avez jusque dans le nord de la France. Par contre, ce sont des espèces petites et discrètes. C'est des petites guêpes de 1 cm environ, qui sont noires ou noires et rouges, et puis qui sont vraiment très discrètes. On ne les voit pas. On les voit pas, mais elles ont un rôle de régulation très, très efficace. Ce qui est fascinant aussi, quand même, c'est quand on voit la beauté d'une toile d'araignée. Ah oui. Et au niveau géométrique, ah c'est extraordinaire. Non, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que nous, on ne pourrait pas faire ça. Non, mais et elle fait ça en plus à une vitesse. Ce qui est intéressant de voir, c'est que... dingue. la science s'intéresse énormément à la toile d'araignée. On l'utilise, on l'a utilisé, parce que je crois que maintenant on le fait plus beaucoup, mais on faisait en fait des réticules dans les télescopes. Les réticules, vous savez, c'est quand on vise et qu'on voit à l'intérieur les petites croix, etc. C'est des fils extrêmement fins. Et on utilisait ça parce que la finesse du fil est fabuleuse. Mais on s'est rendu compte aussi... Et puis la résistance de ce fil par rapport à la finesse. Que par rapport à son diamètre, le fil de la toile d'araignée, il est proportionnellement plus... costaud que du fil d'acier. Donc on travaille aujourd'hui sur des voies, alors que certains n'aiment pas trop, et notamment sur des voies de créer des OGM, d'araignées, qui créeraient des toiles plus costauds, de façon à ce qu'on puisse utiliser ça, peut-être même de faire, on imagine, de pouvoir faire des gilets pare-balles à partir de toiles d'araignées synthétisées. Incroyable. C'est une piste de recherche qui parfois débouche sur des impasses. En fait, il y a eu une dizaine d'années une start-up canadienne qui a levé des fonds. Ils avaient un verre à soie OGM qui filait une soie. En fait, ils avaient mis le gène de l'araignée dans le verre à soie, comme le verre à soie produisait de la toile araignée. Mais on s'est aperçu que la soie filée par les verres à soie était moins résistante que la soie d'araignée. Et évidemment, ils ont étudié pour comprendre pourquoi cet échec, et on s'est aperçu que une grande partie de la résistance du fil de soie n'était pas due à la molécule elle-même, qui était quasiment équivalente chez l'insecte comme chez l'araignée, mais était due au fait que le filage du fil d'araignée était très régulier, et il n'y avait pas de petits étranglements qui faisaient autant d'endroits de moindre résistance. C'est la fabrication de ce fil par la réalité qui était plus efficace. Et en fait, on ne sait pas, même l'industrie humaine ne sait pas faire des fils aussi réguliers que les araignées. C'est incroyable. Et pour l'instant, les araignées restent les plus fortes, on n'arrive pas à accéder à leur niveau technologique. Et donc, regardons les araignées avec respect, s'il vous plaît. Hein. Absolument. À tout de suite, 7h47 sur RMC, on parle de ces nuisibles, mais cela dit, plutôt sympathiques, telles que les araignées, par exemple. Le 3216, si, tout comme Arlette à l'instant, vous voulez nous appeler, 3216 ou bien jardin@rmc.fr. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Votre jardin. Baron de l'Estac. Un Bordeaux rosé, ça existe? L'on peut être rosé et Bordeaux à la fois. Moi, Baron de l'Estac, je le prouve, ma foi. Je sais marier fraîcheur avec plaisir du fruit, les arômes de pêche et de fraises réunis. Qui peut en faire autant pour ravir les palais? Votre Baron de l'Estac, rosé, s'il vous plaît. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Il y a des prix qui vous font dire « Bon, bah on utilisera des boîtes à chaussures pour ranger les outils !» Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 19 septembre, pendant l'opération Mon Projet Rangement, 399 € seulement l'abri de jardin Marquise en sapin naturel et ses murs exploitables à 100%. Porte vitrée incluse, assistance téléphonique incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire « Là, je suis sûr de faire le bon achat !» Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh, la chance! Il tient? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Comment prendre soin de sa Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone? Alors c'est très simple. Étape 1, tapez l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Étape 2, sélectionnez le point de vente le plus proche de chez vous, puis la date et l'horaire de votre choix, et voilà, c'est fait. Prenez rendez-vous pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Une rentrée cool pour Darty, c'est accéder à toute innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors darty.com. RMC, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Il est 8h10, tout pile, votre matinée sur RMC, dans quelques instants la météo, les infos de 8h, après ce sera la maison avec Christian Fessé qui me rejoindra. Toutes vos questions bricolage, maison, déco, et on vous donnera quelques conseils pour acheter dans le neuf faire construire aussi sa maison individuelle entre 9h et 10h. D'ici là, on parle d'araignée. Alors, on était dans la toile, donc le fil de l'araignée, qu'on appelle une soie d'ailleurs, et on va essayer de dire à quoi ça sert, parce que nous, on n'aime pas le contact. Ça, c'est vrai que ça a un côté un peu gluant, oui, etc., bizarre. Et puis, non, mais en plus, on se dit, tiens, quand on rentre, l'animal vous tombe dessus. Mais bon, après, on reparlera de ça, mais je pense qu'il faut vraiment aussi dédramatiser ça. La plupart des gens qui pensent qu'ils ont été piqués par des araignées pendant la nuit, souvent, c'est des punaises de lit, hein. C'est pas des araignées. Non, c'est pas des araignées. Alors, d'accord. Vincent, la toile d'araignée, c'est très très important pour l'animal lui-même. Oui, déjà, toutes les araignées produisent de la soie parce que ça enveloppe leurs œufs pour faire un cocon protecteur. Donc la soie à l'origine, c'est pour protéger les œufs. Et puis, une partie des araignées ont utilisé cette soie pour chasser, donc avec les différentes toiles dont on a parlé. Mais il y a quelques araignées un peu, elles sont petites, mais elles sont assez amusantes à observer quand on les croise, qui font une sorte de lasso de soie qu'elles projettent sur la proie pour l'attraper, un peu comme les Américains du Sud attrapent au lasso le bétail. Donc voilà, sur la base donc d'un fil destiné à l'origine à faire un cocon protecteur, l'évolution a sélectionné des espèces qui ont inventé des stratégies de chasse très originales. Oui, puis ça leur permet de se déplacer de façon parfois. Alors il y a aussi la dispersion. L'araignée n'a pas d'ailes, hein. Il y a que les insectes chez les petits animaux qui ont des ailes. Et la dispersion des araignées, les jeunes araignées grimpent sur des herbes, sur la végétation, filent un fil de soie de plus en plus long, et à un moment donné, ce fil est tellement long que le vent les emporte. C'est comme un parachute, c'est ce qu'on appelle les fameux fils de la Vierge. Et en cette saison, ces migrations d'araignées commencent à se faire voir. Elles font des lianes comme Tarzan, un peu, entre les plantes, les unes, elles se baladent dans la plante. Donc oui, après il y a des fils de rappel aussi. Vous avez des araignées qui se laissent tomber quand il y a un danger de l'herbe sur lequel elles font, mais en fait elles ont un fil de rappel, donc pof, elles tombent pas jusqu'au sol et elles peuvent remonter rapidement le long de ce fil. Donc elles vont vraiment utiliser. C'est Spider-Man, quoi, en fait. Spider-Man, c'est exactement ça. C'est en plus une soie très résistante par rapport à son poids, effectivement, qui fait que c'est l'un des produits les plus résistants. Les plus résistants, on n'arrive toujours pas à copier, comme je disais tout à l'heure. Nous avons Françoise au 32-16. Bonjour Françoise. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Bon, alors moi je vous appelle, hein, parce que je vous entends là parler des araignées, et moi je suis arachnophobe. Ça c'est embêtant. Petite, moyenne, grosse, je ne peux pas. C'est une phobie. Ah ouais, complètement. Là, et vous en avez qui rentrent dans la maison, Françoise? Malheureusement, oui. Non, en ce moment, hier soir, j'en avais deux. J'ai appelé ma copine en catastrophe, heureusement qu'elle est sympa. Ah oui, carrément. Elle est vite venue. Ah oui, ça vous empêche carrément de... Laetitia Barlerin Laetitia Barlerin, notre vétérinaire Françoise du dimanche matin, était comme ça, comme vous. Ouais. Et puis elle a réussi en fait à désinhiber et à s'acclimater aux araignées. Maintenant, elle n'en a plus peur. Elle n'en a plus peur. Voilà. On va demander. Je voudrais poser une question à Vincent pour savoir si l'extrait de maraudaine, dont on parle très souvent comme étant une sorte de répulsif naturel, donne des bons résultats. Ça peut donner des résultats. En fait, les répulsifs, de mon expérience, ne marchent que très irrégulièrement, parce que si une araignée a plein d'endroits possibles où aller, où ça sent pas le marron d'Inde, là où ça sent le marron d'Inde, elle évitera. Mais si finalement il y a de l'odeur de marron d'Inde partout et qu'elle veut vraiment rentrer dans la maison, elle finira par passer quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle se désinhibe plus facilement. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas une interdiction absolue. Si elle se dit, bon, par là, c'est pas très intéressant, mais si finalement il y a que par là qu'on peut passer, ou il y a que dans des endroits qui sentent comme ça, parce que il y a d'autres, si elle rentre dans les maisons, c'est pas pour le plaisir, c'est ce qui les attire, c'est l'ombre, la fraîcheur, donc tout ce qui va être zone plus noire à l'ombre, c'est ça qui va les attirer. Alors s'il y a une mauvaise odeur et qu'il y a une autre zone à l'ombre sans cette odeur, elles vont aller dans l'autre, donc chez la voisine en gros. Mais si la voisine utilise aussi le marron d'Inde, ce sera fichu. Mais comment on explique que ça soit toujours au mois de septembre qu'on en voit le plus? Parce que, comme je vous l'ai dit, elles font la majorité des espèces ont un cycle où les larves se développent au printemps et elles deviennent adultes fin d'été en automne. Donc là, elles ont fini leur boulot à l'extérieur, maintenant elles vont se reposer dans la maison. Oui, ou alors on cherche des abris pour l'hiver, des choses comme ça. Et puis, vous avez aussi les déplacements liés à la reproduction. Si en ce moment, on a l'araignée, la grosse stégénaire, là, qui se retrouve dans les lavabos ou les baignoires, c'est parce que le mâle est en train de chercher des femelles, donc le mâle se déplace. Alors ça, c'est une bonne chose aussi. Moi, je me suis toujours posé la question, comment se fait-il? Comment ça peut faire que, effectivement, le matin, vous arrivez dans votre salle de bain, vous allez à l'étage de la maison, vous avez jamais vu une seule araignée, allez en plein milieu de votre baignoire. Alors, il fallait quand même escalader la baignoire. Elle a été chercher l'humidité de l'eau? Non, alors déjà, c'est nocturne, donc c'est pour ça qu'on les voit pas dans la journée et que c'est le matin qu'on les trouve, parce qu'elle, tout bêtement, elle se déplace la nuit. Et puis, deuxièmement, elle se déplace la nuit le long du mur, et puis du mur, elle va sur le bord de la baignoire, puis là, hop, elle tombe au fond et elle est incapable de s'en sortir. Ah oui, c'est ça, on les trouve dans la baignoire parce qu'elle peut plus remonter. C'est un piège, en fait. Voilà. D'accord. Même avec alors, un truc pour, si vous avez ça et que vous n'aimez pas les araignées, vous mettez votre tapis de bain à cheval sur la baignoire de manière à ce que ça arrive au fond, et la tégénaire qui tombe dans la baignoire trouvera le tapis de bain et sortira et remontera. Seul, et vous n'aurez personne le matin dans votre baignoire. Une échelle à araignée. Voilà. Non, mais c'est un bon petit conseil. Merci beaucoup, Vincent. De rien. Et puis sinon, Vincent, un bon balai. Oui. Merci, voilà. Vincent, pour toute cette expérience d'entomologiste. On pourrait entendre parler, Vincent, d'araignée pendant des heures. C'est passionnant. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment samedi prochain. La semaine prochaine. Non, là, on va arrêter maintenant. C'est fini. Les araignées, on les a toutes tuées avec notre produit. Peut-être, je sais pas encore, mais peut-être bzzz la semaine prochaine. Après les cric-cric, les bzzz. Ouais, voilà. Et pourquoi pas, c'est pas mal. Patrick Mulan, chaque samedi sur RMC 6-8. À samedi prochain. Je vous embrasse toutes les jardinières, et ma petite jardinière, bien sûr. Et à la semaine prochaine. Et dans un instant, Christian Pessé. Mais oui, je suis là. Bonjour. Il fait cric-cric et bzzz en même temps. Oui, je suis les deux, moi. Voilà. Je suis polyvalent. Et le bricolage, la maison, la déco, c'est avec Christian. Et c'est dans un instant, après la météo, les infos. À tout de suite. RMC 8h-10h, votre maison. Alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main, là? Non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas, nous faisons grand cas de votre confiance. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Vous le savez peut-être pas, mais avec la nouvelle offre Avantage Gaz d'EDF, le prix du kilowattheure hors taxe de gaz n'augmente pas pendant 4 ans. Il peut même baisser. Et c'est pas tout. Toute baisse du prix du kilowattheure est définitivement acquise sur la période de 4 ans. Avec l'offre Avantage Gaz d'EDF, c'est 4 ans de sérénité. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur EDF.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Ça veut dire quoi être cool pour Darty? Être cool, c'est être détendu après ses vacances, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un aspirateur à prix cassé, bref, c'est être cool quoi. La rentrée est cool chez Darty. Du 17 août au 25 septembre, profitez de nos meilleures offres. Par exemple, l'aspirateur avec sac Moulinex MO2430 est à 69,99 € au lieu de 89,99 €, soit plus de 20% de remise. C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC avec Yasmina Benbekaï. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. C'est une journée agréable, excepté sur le nord-ouest, avec cette dégradation qui arrive par la Bretagne et qui donne un ciel couvert, un peu de pluie et du vent. Entre les Pays de la Loire et le nord de Pas-de-Calais, on a des nuages, notamment Basse-Normandie et Loire-Atlantique. Et puis entre Languedoc-Roussillon et l'Auvergne, quelques gouttes sont possibles, sinon ailleurs c'est bien ensoleillé. Cet après-midi, les nuages et les quelques pluies vont s'enfoncer vers les Pays de la Loire jusqu'au Hauts-de-France. Ailleurs, ce sera du soleil. Et puis sur les reliefs, on a des orages, notamment sur les Alpes et la Corse. Les températures cet après-midi, 20 degrés à Brest, 21 degrés pour Cherbourg, 25 à Rennes et Biarritz, 27 degrés à Paris, à Lille et à Bourges, 29 à Bordeaux et Toulouse, 30 degrés à Lyon, 31 pour Strasbourg, Perpignan et Bastia et 32 degrés à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la Première Ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Stade Français Paris-Castres, suivi de Montpellier-Pau. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1, Lyon-Bordeaux et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 8h01, toute l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, profil troublant de femme terroriste, passage à l'acte commandé à l'étranger. L'enquête sur le commando terroriste démantelé cette semaine. Dominique Rizet, spécialiste police, est avec nous dans le journal. La primaire à droite connaît depuis hier tous ses candidats. Ils sont 11, il n'en restera qu'un seul le 27 novembre prochain. Et puis, il n'a pas fait le poids face au numéro 1 mondial. Gaël Monfils, battu cette nuit en demi-finale de l'US Open de tennis. Il est 8h01 sur RMC, bonjour à tous. Ce matin, ils sont donc 7 en garde à vue, 7 membres présumés d'une cellule terroriste qui envisageait d'attaquer des gardes d'Île-de-France, d'attaquer des policiers et qui, la semaine dernière, avait déposé une voiture pleine de bonbonnes de gaz à deux pas de Notre-Dame à Paris. 7 présumés terroristes, parmi eux 5 femmes, et c'est inédit selon le procureur de Paris, François Molins. Le passage à l'acte par des jeunes femmes téléguidées par des individus se trouvant en